Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, il faut mon travail. Alléluia, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, il faut mon travail. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bravo Seigneur, alléluia, bravo Seigneur, alléluia, bravo Seigneur. Jésus revient, alléluia, Jésus revient, alléluia, Jésus revient, il nous prendra, alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand tu viendras? Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, bravo Seigneur, alléluia, bravo Seigneur, alléluia, bravo Seigneur. Jésus revient, alléluia, Jésus revient, alléluia, Jésus revient, il nous prendra, alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu y es prêt, il te prendra, alléluia, alléluia. Alléluia, bravo Seigneur, alléluia, bravo Seigneur, alléluia, bravo Seigneur, alléluia, alléluia, acclamons le Seigneur. Ce n'est plus moi qui dis alléluia. Comment on parle ça? Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui dis alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. À moi, à moi, à moi. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Amen. Amen. Amen. On sait qu'on est en Chine. Les voix ne sonnent pas. On sent la faiblesse dans les voix. Mais que le Seigneur vous fortifie. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Je crois que vraiment, c'est par sa grâce qu'on a pu tenir. Et disons lui merci. Donc, vraiment, notre bien-aimé est arrivé. Je pense que sans plus tarder, je vais commencer. Bonjour mes frères, bonjour mes soeurs. Bonjour. Que Dieu te bénisse mon cher, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va commencer. Ça va mon cher? Ça va. Comment vous êtes? Tout le monde, vous avez maigri comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voulez rester, vous mettez là-bas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêts à ce qu'on prie? Amen. Vous êtes prêts? Amen. Vous êtes prêts à ce qu'on prie? Amen. Ok. Donc, vérifiez le téléphone, fermez le téléphone. Si vous voulez enregistrer, vous mettez sur moto vol, comme ça vous allez bien enregistrer. Il est là-bas. Là, où on s'assoit là? N'ayez pas peur, oh. J'espère que vous n'avez pas peur, non? Non. Donc vérifiez que les téléphones sont fermés, comme ça on va bien travailler. Si les téléphones sont fermés. Bon, ceux qui avaient mal au ventre, vous avez dit que vous devez gêner là. Est-ce que vous êtes mort alors finalement? Je remarque bien qu'il y a eu zéro mort, non? Personne n'est mort. Donc ça veut dire que le jeûne est possible. D'autres personnes sont là au milieu, ils n'ont pas gêné. Ils ont dit que Frère Junior dérange. D'autres ont essayé, ils ont lâché parce que ça ne peut pas les laisser. Mais de toute façon, que Dieu vous visite. Amen. Ouvrons la Bible, travaillons un peu en attendant que les quelques personnes qui sont là-bas reviennent. Mais fermez vos livres, votre téléphone portable. Vous savez que le Seigneur ne fait rien sans sa parole. Donc nous allons d'abord voir quelque chose dans la parole. J'ai demandé si vous voulez prier. Vous êtes prêts à ce que les choses qui vous arrêtaient, ça s'arrête, n'est-ce pas? Amen. Ok. Donc on va prier jusqu'à ce qu'il y ait la réponse. Amen. S'il n'y a pas la réponse, on ne sort pas ici. Amen. Ok. Ouvrons le livre de Marc. Le livre de Marc. Donc bonjour, bonjour. Je sais que après ce que le Seigneur va faire pour vous, votre vie spirituelle ne sera plus même. Amen. Quand il va vous attraper, même si vous voulez faire n'importe quoi, vous allez vous remarquer très bien que vous êtes la parole qui vous tient. Amen. Donc quand c'est la sorcellerie qui a arrêté votre habit, là maintenant ce sera la parole. Amen. Marc chapitre 2. Tu es au chapitre 2, qui est au chapitre 2? Lisons les versets 21 et 22 de Marc. Qui va lire? Ici. Allons-y. Oh, tu vois mon chef, tu peux lire? Allons-y. C'est toi. Tu es un prince, non? 21. Après, à cette voix-là, tu ne peux pas lire. Allons-y. Ici. Qui peut lire ici à haute voix? Oui. Oui, il lit en versets 21 et 22. 21 et 22 du chapitre 2 de Marc. Oui. Personne ne court une pièce de drap neuf à un vieil habit, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. Ah bon, ok. Personne ne court une vieille pièce de drap neuf à un vieil habit. Ouais, ça, ouais. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux. Et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres. Et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Amen. On a fini de lire Marc comme ça, notre soeur qui est de l'autre côté là-bas était dans Deutéronome. Elle a cherché Marc fatigué. Donc on a fini comme ça, elle n'a pas lu ce qui est écrit. Vérifiez que quelqu'un qui est à côté de vous, vous avez votre, où est votre Bible à vous? Vérifiez la Bible, vous voyez, vous avez votre voisin qui lit la Bible, vous ne lisez pas. Mais vous voulez la personne qui a cette parole-là. C'est lui que vous voulez le Seigneur qui a donné cette parole. Mais vous avez la parole à côté de vous, vous ne lisez pas, ou bien vous n'avez pas la Bible. Mon frère, relisons encore ce même passage, versets 21 et 22. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Oui. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux. Oui. Et la déchirure serait pire. Oui. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Oui. Autrement, le vin fait rompre les autres, les outres. Mm. Et le vin et les outres sont perdus. Voilà. Mais il faut mettre du vin nouveau dans des outres neuves. Amen. Donc Jésus dit, mais il faut mettre du vin nouveau où? Dans les outres neuves. Maintenant, en prenant l'exemple que notre Seigneur a pris ici, il dit, on ne peut pas acheter un bon tissu au marché. Vous allez donner à quelqu'un pour qu'il court. Il court sur l'ancien. Ça n'a pas de sens. Lorsque vous allez arrêter le tissu neuf, ça va déchirer. La déchirure sera grande, n'est-ce pas? Donc le tissu neuf se coud avec le tissu neuf. N'est-ce pas, frère? Le vin nouveau se met dans les outres neufs. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Et curieusement, ce que le Seigneur est en train d'éviter ici, c'est le style de christianisme que nous avons aujourd'hui. Vous allez voir quelqu'un qui va dire qu'il est le Saint-Esprit, mais il est possédé. C'est-à-dire qu'en même temps, le démon parle en lui. En même temps, à un moment donné, il fait de bons actions. Il croit que c'est le Saint-Esprit. Et Jésus dit qu'on ne peut pas faire ces choses-là. Il n'y a pas de mélange. Donc, pour que le vin nouveau vienne dans le corps là-bas, il faut que ce soit de nouveaux autres. Il faut que vous soyez ni de nouveau. Il faut que vous soyez transformé, n'est-ce pas? Alors, regardez, je vais vous parler un instant de ces choses-ci. La nécessité d'une nouvelle vie en Christ. D'accord? Je vais vous parler un instant avant qu'on entre dans la prière. La nécessité d'une nouvelle vie en Christ. Je crois que ceux qui viennent là, il faut leur demander de fermer le téléphone pour que ça ne dérange pas vous. En fait, ces choses, vous devez déjà connaître là. Écoutez très attentivement. Prenons le livre de Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6. Donc, vous ne pouvez pas continuer votre vie chrétienne avec le mélange. Il n'y a pas le mélange entre la vie chrétienne et la tradition. Il n'y a pas le mélange entre la vie chrétienne et la tradition. Il n'y a pas de mélange entre la vie chrétienne et le monde. Dieu a mis la séparation depuis. D'accord? Quand il a créé, il a dit, il a mis une séparation entre la lumière et les ténèbres. Cette séparation-là, c'est pour toujours. Ça suppose que ce qui fonctionne avec la lumière est de la lumière. Ce qui fonctionne avec les ténèbres est des ténèbres. Et il n'y aura pas de juste milieu, ils vont travailler ensemble. D'accord? Donc à partir d'aujourd'hui, je veux que vous saisissez ceci, c'est que il faut que vous compreniez que vous avez besoin de renouvellement de l'intelligence et que vous fonctionnez entièrement et totalement dans la lumière. Vous ne devez plus clocher à gauche et à droite. Un pied dans le monde, un pied avec le Seigneur. D'accord? Allons-y, chapitre 6 de Romains à partir de verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Vous avez entendu ce qu'il a dit là? Amen. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Amen. Nous marchons comment? Ça veut dire que le style de vie doit changer. Le style de vie doit changer. Si vous dites que vous êtes à Christ, le style de vie est conséquent. Vous devez marcher d'une certaine façon. Maintenant, continuons. En effet, nous sommes devenus une même plante. Non, il y a un mot que tu as oublié. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serions aussi par la conformité à sa résurrection. Oui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour nous, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Stop. Vous avez entendu, vous avez bien compris ce qu'il a, n'est-ce pas? Vous comprenez cette notion, si je crois que demain, Dieu voulant, on va revenir là-dessus. Donc, si quelqu'un a le problème du péché avec sa chair, il y a un problème de crucifixion de sa chair. Amen. Si quelqu'un a le problème encore avec le péché sur sa chair, il y a un problème avec lui, avec la crucifixion. Donc parce que la Bible déclare que le vieux homme et ce péché-là a été crucifié pour que nous ne soyons plus sous le péché. Donc s'il y a ce désir-là, on va revenir sur ça en plein demain. Continue mon cher. Car celui qui est mort est libre du péché. Pas libre des péchés. On n'a pas dit libre des péchés, mais libre du péché. C'est-à-dire que le péché a été ôté, d'accord? Parce que quand on est libre des péchés, c'est pour ça que tu peux pécher comme tu veux. Mais on dit que celui qui est mort est libre du péché. Donc a été dégagé, a été séparé du péché. Oui. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Oui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Oui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Oui. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Aussi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vous avez entendu ce qu'il a dit encore? On explique ce que le Seigneur a fait à la croix, on explique ce qui nous concerne. Il dit vous-même, regardez-vous comme mort au péché. C'est-à-dire que pour vous, le péché c'était terminé. Alors maintenant, si pour vous le péché c'est terminé, ça suppose que ce que les gens font avec le monde, la souillure avec le monde, vous ne devrez plus être là de partie. C'est en ce sens là, c'est en ce sens que nous sommes la lumière. Parce que ce qu'ils font, nous ne faisons pas. Et comme ils font cela, nous, notre vie les dénonce. Et là, nous pouvons leur venir leur dire, vous ne devez pas forniquer. Vous ne devez pas mentir, vous ne devez pas faire ces choses-ci. Vous saisissez, n'est-ce pas, frère? Donc notre style de vie doit être le style de vie des gens qu'on appelle les gens saints. Les gens qui ont la lumière de Christ en eux et qui sont là pour donner cette même lumière-là au monde. Si les gens du monde ont le péché, c'est ici ça se passe, regardez ici, ici, suivez ici, ne soyez pas déconcentré. C'est ces choses qui vont venir vers vous là maintenant tout à l'heure, c'est ce qu'ils sont en train de dire là. Si les gens ont des problèmes dans le monde, ont des problèmes, sont en captivité et vous êtes dans la même captivité, votre nature n'a pas changé. Il faut que vous soyez délivré parce que quand quelqu'un est en prison, si quelqu'un est dans une maison enfermée, il ne peut pas s'en sortir. De l'intérieur, il tape, il dit aidez-moi à ouvrir. Si vous-même vous êtes dans la maison, vous ne pouvez pas lui donner une promesse de délivrance. Il faut que vous soyez à l'extérieur pour l'aider à sortir. Vous ne pouvez pas être dans le même cachot et puis vous voulez sauver les gens. Donc vérifiez que votre vie est un style de vie de l'évangile. Vérifiez cela. Si ce n'est pas cela, déposez la Bible, restez devant le Seigneur jusqu'à ce que ça soit traité avec vous. Avant que vous sortiez pour aller annoncer cela. N'allez pas dire à quelqu'un que mon frère Jésus-Christ est bon. Il va vous libérer alors que vous êtes dans la captivité. Ne faites pas ça, vous faites du mal à vous. Ne faites pas cela. Ne croyez pas qu'en faisant ça, vous allez entendre dans le royaume des cieux, on va vous féliciter. Vérifiez que vous êtes là de la bonne façon d'abord, vous. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, il dit que hypocrite, comment peux-tu dire, oh, laisse-moi enlever la paille qui est dans tes noeuds alors que toi-même tu as la poutre dans ton oeil. Il dit hypocrite, enlève d'abord la poutre qui est dans ton oeil alors tu verras. Vous voyez, n'est-ce pas? Ton problème d'abord doit être résolu. Puis ensuite, maintenant, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas regarder ce que le Seigneur va pour les autres. Si vous ne pouvez pas être captivé de la masturbation, vous allez dire à quelqu'un que ne fornique pas. Vous ne pouvez être dans la pornographie, vous dites à quelqu'un qui commet l'adultère, ne commet pas l'adultère. Parce que la même parole qui condamne l'adultère, condamne la pornographie. Mais suivez là. Continuons, c'est pas fini. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Vous avez su ce qu'il dit ici encore? On commande aux chrétiens que le péché ne règne pas. Mais les pasteurs aujourd'hui disent que non, personne ne peut vivre sans péché. Ils disent que non. Personne ne peut vivre sans péché. Et c'est devenu monnaie courante au point où chacun s'est habitué avec le péché, au point où, parce que personne n'a jamais expérimenté le fait, la vie hors du péché, que les gens ont pris ça comme habitude, comme si quelqu'un ne peut pas vivre sans péché. Voilà pourquoi la Bible nous appelle saints. Il dit que le péché ne règne donc point. Donc le péché ne va plus dominer, habiter dans votre corps mortel. Il dit n'obéissez. Frère, c'est ici ça se passe. Ne sois pas déconcentré ici. Allons-y. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Oui. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Oui. Ne livrez pas vos membres au péché. Vous entendez cela? Donc c'est interdit. Voici dans les interdictions chrétiennes. On dit ne le faites pas, ne le faites pas, ne le faites pas. Quand vous roulez en route, là où il y a des panneaux d'indication, quand c'est le panneau d'interdiction, c'est avec le rouge. Quand on dit ne faites pas, c'est une interdiction. Donc pour les gens qui disent qu'il n'y a pas de loi chez les chrétiens, qu'on est sur la loi, voici l'interdiction. Il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ce qu'on convoitise. Ne livrez pas votre membre. Donc si vous allez pécher, c'est vous qui le voulez. Vous comprenez cela? Depuis que Christ est allé à la croix, il a donné aux êtres qu'il s'est acquis sur la terre le pouvoir sur le péché. Au point où si tu pèches, c'est que tu l'as voulu. C'est à cause de ça qu'il est venu. S'il était autrement, si le péché était hors du corps, il ne serait pas venu comme ça. C'est parce que le péché habitait dans le corps qu'il fallait qu'il délivre le péché du corps. De telle enseigne qu'on ne soit plus sous l'emprise du péché. Vous me suivez, n'est-ce pas? Continuons là. Ne livrez pas vos membres au péché. comme des instruments d'iniquité. Vous avez entendu ça, frère? Okay. Donc demain, on va développer cela bien. Continuons. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Qu'est-ce que Dieu va faire de ces membres-là si vous, vous les lui offrez? Il va les utiliser, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que le Seigneur veut utiliser un corps qui est pollué? Non. Lui-même, il a déjà dit dans Marc chapitre 2, là tout à l'heure, qu'on ne coupe pas un habit, un drap neuf sur le vieux. Il faut que ça soit nettoyé. C'est pour ça qu'on a la vie de sanctification à mener. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19 et 20, la Bible déclare que le Seigneur a ces deux paroles qui lui servent de sceau. Quiconque prononce son nom, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et il dit donc que cette parole-là lui serve de sceau. Il dit qu'il connaît tous ceux qui lui appartiennent. Puis il dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases de terre, il y a aussi des vases d'un usage vil. Les uns sont les vases d'auteur, donc pour l'honneur, les autres sont pour les vases d'usage vil. Il dit que si quelqu'un se préserve lui-même de ces choses, il sera un vase d'honneur. Donc, vous ne pouvez pas vouloir que Dieu vous utilise et puis vous vivez dans le péché exactement comme le monde. Il ne le fera pas. Donc je suis venu vous dire que le style de vie va changer. Vous devez vivre. Si vous dites que j'appartiens au Seigneur Jésus, éloignez-vous de l'iniquité. Amen. Si vous voulez que le Seigneur vous utilise, préparez-vous en conséquence. Vous savez, n'est-ce pas? Vous lisez la Bible, vous allez voir de façon fatidique, les chrétiens vivaient une vie de sainteté. Nonobstant quelques bribes qui étaient là pour nous montrer que même s'il y a des problèmes dans l'église, le Seigneur va les ramener. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 à 5. Mais le modèle de la Bible, c'est que quand la semence de Dieu habite en vous, vous ne pouvez pas pécher. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc il faut que vous en soyez dégagés. Nous sommes dans quel livre ici là? Ouvrons le chapitre 13, voir. Romains chapitre 13. Vous êtes dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, lisons les versets 11 à 14. Les versets 11 à 14. Oui. Il est écrit. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Oui. C'est l'heure de vous réveiller en fait du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Oui. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Stoppons donc là-bas. Vous voyez encore une autre chose qui donne aux chrétiens. Je ne sais pas quel style de Bible nous lisons aujourd'hui pour essayer de philosopher la parole. L'apôtre Paul dit ici en l'an 95, il dit que la nuit est avancée, le jour approche. Nous sommes en l'an 95 qu'il dit ici. Et nous sommes plus de 2000 ans plus tard. S'il disait le jour approche, nous qui sommes 2000 ans plus tard, comment devrait-on dire? S'il dit le jour approche, puis il donne un ordre aux chrétiens. Il dit dépouillons-nous donc des œuvres de quoi? Ténèbres. Ce que c'est dépouiller, ça veut dire quoi? C'est débarrasser. Donc, vous devez. Ce processus, c'est le processus de renouvellement, de sanctification. Donc, sanctifiez-vous, nettoyez de vous, de votre vie, ce qui appartient aux ténèbres. Nettoyez-y. Et revêtez. Et revêtez les armes de lumière. Alors, je pose la question. Vous dites combat spirituel, c'est quoi l'apôtre Paul appelle âme de lumière? Il n'a pas dit les armes de combat, les armes de lumière. Les armes de lumière. Vous ne pouvez pas aller dire à quelqu'un. Remarquez très franchement dans Éphésiens chapitre 4 et chapitre 5. Vous ne pouvez pas aller dire à quelqu'un ne commet pas de péché alors que vous vivez dans le péché. Parce que la Bible déclare dit autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Marchez dans la lumière comme en plein jour. Loin des excès, de l'ivrognerie. Vous voyez cela? Vous voyez, n'est-ce pas? De l'impudicité. Continuons, c'est pas fini. Marchons honnêtement comme en plein jour. Oui. Loin des excès. Oui. De l'ivrognerie. Oui. De la luxure. Oui. De l'impudicité. Oui. Des querelles. Mmh. Et des jalousies. Donc ces choses-ci, on ne doit pas nommer. Vous voyez, ça ne doit pas se retrouver. On doit marcher loin de ça. Ça veut dire que ça doit s'éloigner de nous. Mais c'est au milieu chrétien que vous entendez les jalousies. Parce que Dieu a visité telle personne, il n'a pas visité telle personne. Telle personne a eu telle chose, ça devient les murmures, des calomnies. Au milieu chrétien. Oui. Mais Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Dans les armes de lumière, là, c'est le Seigneur Jésus. Donc, chaque fois, vous devez vous poser la question, si Christ, notre Seigneur, était sur la terre, ferait-il comme du sang de fer? La question doit être posée, et puis la réponse doit être donnée, avant que vous avancez dans n'importe quel acte. Lorsque vous agissez avec votre frère, dans une relation, dans une situation, vous devez vous poser la question, si ça avait été le Seigneur Jésus, que ferait-il? C'est ça. Donc, il faut véritablement un dépouillement. Il faut un dépouillement. C'est pour cela que si vous lisez la Bible, vous méditez de la bonne façon à chaque verset biblique qui ne correspond pas à votre vie, vous allez délaisser la Bible et pleurer devant le Seigneur que ça soit arrangé. Et souvenez-vous, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous ne pouvez pas vous en sortir devant Dieu tant qu'on n'a pas arrangé cela. Dans Luc d'Hébreux, chapitre 12, verset 14, il dit « Recherchez la paix et la sanctification sans lequel nul ne verra le Seigneur. » Donc vous devez rechercher la paix. D'accord, frère? Dans Marc chapitre 11, il dit, si vous êtes debout faisant votre prière, si vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Parce que le manque de pardon bloque la prière. Le manque de pardon empêche l'exaucement. Vous êtes avec moi? Vous êtes là, n'est-ce pas? Donc l'ancienne nature doit radicalement, de façon claire, changer. Votre comportement doit être conséquent de la vie que vous professez vivre. Si vous dites, Seigneur Jésus, c'est le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu qui ne fait acception de personne, qui punit l'iniquité. Il n'étendait pas le coupable pour innocent. À moins que vous le preniez pour avocat. Vous allez marcher comme ça, n'est-ce pas, frère? N'est-ce pas? Ok. Amen. C'est pour dire qu'avance, on prie rapidement. Prenons donc le Marc, chapitre 10. Marc. Waouh! Marc chapitre 10. Donc si votre vie ne change pas, n'allez pas annoncer Jésus à quelqu'un. N'allez pas le faire. Il dit bien, peut-être vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Vous êtes en train de vous juger vous-même. Dans Romains chapitre 10, la Bible déclare, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu dis aux autres de ne pas dérober, tu commets des sacrilèges. Tu dis pas commettre adultère. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Et il dit, à cause de ça, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Donc ne faites pas blasphémer le nom de Dieu. Parce que si vous allez annoncer à quelqu'un que faire comme ça avec Jésus, faire comme ça, demain, c'est lui qui te voit en train de faire cela. Il va dire, c'est vous le chrétien, non? C'est pas toi qui as dit, il y a plus bon pour Jésus, l'autre jour là, vous marchez là. Et toi, tu fais les choses comme ça, comme nous faisons. Il va dire que les chrétiens font comme ça. On va mettre tous les chrétiens dedans. Il faut entendre les pasteurs qui sacrifient des enfants. Quand tu vas venir, oh, je suis enseignant de la parole, oh, tu es pasteur. Tu veux me dire que tu es plus comme le grand pasteur qui a la grande cathédrale là, lui-même fait comme ça, donc vous êtes ouais là, n'est-ce pas? Ça ne doit pas être ainsi. Ne portez pas l'opprobre sur le nom du Seigneur Jésus. Ne portez pas. Donc, si vous ne savez pas ce qu'il faut faire, restez tranquille, restez là où vous êtes. Travaillez. Si vous avez des champs, travaillez. Vous avez votre travail, travaillez. Demandez la miséricorde au Seigneur qui vous donne de vivre cette vie-là. Ne courez pas aller dire quelque chose alors qu'on ne vivait pas. Il dit quel livre? Marc chapitre 10, prenons le verset 46 jusqu'à 53. 46, 53, ça, quoi, là on va prier. 46 à 53. Il est écrit, ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Et il appelait l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, et se leva d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse, Rabouni ?» Lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Ce n'est pas une histoire de la Bible. Ce n'est pas une histoire de la Bible. C'est quelque chose de réel qui s'est produit. N'est-ce pas? Et vous admettez que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, Jésus fait son passage là-bas. Bartimée. On dit Bartimée. Donc le fils de Timée. Ça veut dire que c'est une personne qu'on avait déjà qualifiée de la famille. Quand on dit la famille Timée, on dit oui, c'est son fils qui est en route. Il est mendiant aveugle. L'opprobre est sur la famille. Il était couché, il avait son manteau. Il a entendu que la foule passait. Il entend une foule bruyante. C'est là qu'on commence le prophétie. Maintenant, va ouvrir les yeux maintenant pour demander c'est quoi la question. Il entend la foule en train de passer. Il dit, qu'est-ce qui se passe? On lui donne le renseignement que c'est Jésus de Nazareth, le prophète de Nazareth, celui qui passe. Il ne sait pas si vous allez poser des questions. Un aveugle qui se trouve là, qui se place chaque fois pour demander de l'argent. Il ne va pas au temple. Il est là pour demander de l'argent. Je ne sais pas comment il a fait pour recevoir la révélation que celui qui passe là, c'est le fils de David. On ne lui a pas dit c'était le fils de David qui passe. On lui a dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. Les juifs qui étaient dans le temple, qui lisaient la Bible, ne savaient pas que c'était le fils de David. Ils le combattaient plutôt. Mais un aveugle qui ne lit pas et qui est là seulement pour demander de l'argent, sait que c'est le fils de David. Pourtant, on lui a dit c'est Jésus de Nazareth. La Bible déclare, il a commencé. Là, il ne demandait pas de l'argent. À tout le monde, il demandait de l'argent parce qu'on ne pouvait pas l'aider par rapport à sa vie aveugle. Mais quand c'était Jésus de Nazareth qui passait par là, il savait que ici, c'est maintenant ou rien. Il savait que c'est maintenant ou rien. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible déclare, la foule le faisait taire. Quand les parents quittent là-bas, va mendier tranquillement. Si Dieu Jésus veut venir aider les gens, c'est les gens comme toi, comme ça. Et pourtant, c'est pour les gens comme ça qu'il est venu. Donc, si vous avez n'importe quelle situation, n'importe quel problème, c'est à cause de cela que Christ est allé à la croix. Vous me suivez? Amen. La Bible déclare que plus la foule voulait le faire taire, plus il criait. Donc, aucune personne ne devrait l'empêcher d'atteindre son objectif lorsqu'il s'agissait du Seigneur Jésus. Aucune personne ne pouvait l'empêcher d'obtenir ce qu'il voulait là. On dit, la foule voulait le faire taire, plus on voulait le faire taire, plus il criait encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible déclare que le Seigneur Jésus s'est arrêté. Je vous pose la question. La foule qui criait là-dedans, ça veut dire qu'il criait plus que toute la foule, n'est-ce pas? Le Seigneur sait pourquoi. S'il y a un cri, il y a une voix qui doit répondre. Il ne s'agit pas de limitation. Souvenez-vous de ceci. Il ne s'agit pas de limitation. Alors, vous devez savoir que aucune chose spirituelle que nous faisons sur la terre n'est intrinsèque au prédicateur. C'est-à-dire, vous avez un don spirituel. Ce n'est pas vous qui décidez comment l'utiliser. Vous me suivez? S'il y avait le don de guérison, je ne peux pas décider de guérir tout le monde. Il y a une voix qui doit appeler à cela. Je ne sais pas si vous saisissez. Ok. Maintenant, lorsqu'il dit, faites-le venir, il se lève, première chose, il jette le manteau. La séparation avec l'autre monde. Vous avez vu ça? Il a jeté son manteau. C'est-à-dire que cette chose, c'est ce qui m'a tenu pour longtemps. C'est ce style de vie où on a le manteau du mendiant. Manteau de mendiant aveugle. MMA. C'est écrit derrière le bâtiment. MMA. De telle façon, personne peut voler son manteau. Il a dit jamais, c'est terminé. Remarquez très attentivement. Quand il a confronté Jésus, il n'est pas allé prendre son manteau. Il a commencé à suivre. Donc, là où son manteau est resté, c'était resté là-bas. Il a commencé à aller avec Jésus. Il ne sait même pas s'il a pris sa caisse d'argent. Maintenant, son vrai problème devait commencer là-bas. Parce que maintenant, il va falloir qu'il travaille. Parce qu'il voit. Vous voyez là, n'est-ce pas? Il va falloir qu'il travaille parce qu'il voit une dapine, il ne peut plus faire ça. Il ne voit pas. Non. Il voit maintenant là. Et c'est parce qu'il ne voyait pas qu'il ne pouvait pas aller travailler. Donc maintenant là, sa vie va changer. Tout va être bouleversé de lui. Vous me suivez? Amen. Nouveauté de vie. Donc, le problème était enlevé sur la famille Timé. N'est-ce pas, frère? Mais je veux que vous observez l'histoire, la promptitude de Timé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas laissé quelqu'un l'influencer par rapport à son aller vers Jésus. Il n'a pas laissé quelqu'un le bloquer parce qu'il savait que c'est ici sa solution. D'accord, frère? Vous me comprenez? Oui. Oui, je sais que c'est, votre chair a été touchée, il n'y a pas de problème. Nous sommes ensemble. Même moi, j'ai maigri, non? Nous sommes ensemble, donc prenez courage. Prenez courage. Après, vous allez manger, il n'y a pas de problème. Les choses spirituelles, quand vous commencez à les goûter, c'est vous qui allez vous programmer vous-même des jeûnes. Ce n'est pas un corvée qu'on vous donne. C'est seulement pour vous titiller afin que votre chair se taise. Si vous parvenez à vous maîtriser, la fornication, vous pouvez fuir ça facilement. Parce qu'en réalité, si l'extérieur si se détruit, l'intérieur se renouvelle. C'est le principe. On dit que quand notre homme extérieur se détruit, l'intérieur se renouvelle. Vous ne pouvez pas en même temps nourrir l'intérieur, l'extérieur, si vous êtes gros comme ça. Non. Si vous êtes gros, la graisse là, va créer votre problème avec votre esprit. Vous êtes d'accord maintenant? Amen. Fermez donc la Bible. Fermez la Bible. La première fois qu'il met les pieds dans cette salle-ci, il dit, vous avez les sorcelleries là, grave. N'est-ce pas? Ça doit devoir s'arrêter. votre alliance avec tout ce qui concerne les sorciers doit s'arrêter, ça doit être coupé maintenant. Et vous allez savoir maintenant la liberté, d'accord? Mais il tente de regarder depuis, sans le surveiller, une femme. Elle n'est pas ici. Mais le problème, la seule chose qui vous lie ensemble, c'est que c'est une Ivoirienne. Elle se trouve à l'étranger. Elle est dans l'angoisse maintenant. Donc, je parle comme ça pour que la voix la localise. C'est une Ivoirienne qui allait à l'étranger. En allant à l'étranger, elle a couché avec un marabout. Elle allait chez le marabout pour faire ces choses-là, pour pouvoir avoir le blanc, pour pouvoir aller voyager. Je ne sais pas comment on peut prendre ce genre de voix. Donc maintenant, la femme dont je viens de parler se trouve à l'étranger. Et elle a déjà tué un homme. Ça veut dire que le marabout a mis quelque chose dans son ventre. Quand elle a couché avec le marabout, elle n'est pas au courant que ceci dans son corps, c'est ce qui a tué son premier mari. Donc si un homme va avec elle, elle va mourir. Mais maintenant, ce qu'elle a expérimenté, c'est qu'elle rêve des morts, des serpents. Et elle a les pensées de suicide. Ça, c'est cet esprit-là. Donc, un mari. Donc, si vous allez là, comme vous aimez les femmes à l'étranger, là, allez l'épouser. Vous allez voir. Donc, cette femme-là, il faut qu'elle cherche la délivrance. Donc, c'est parce que c'est très à voir avec vous, les Ivoiriens. Ne cherchez pas cette voie-là, la voie de facilité. Si le Seigneur veut vous conduire, quelque part, il va vous conduire. La Bible déclare que n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ce sont ces choses-là qui font que les filles vont à l'étranger, commencent à coucher avec des chiens, avec des serpents. Vous venez nous créer des problèmes chaque fois. Après, elles vont porter les chapeaux comme ça, venir s'asseoir à l'église comme ça, comme des saintes ni touches. Tu regardes quelqu'un comme ça, là, il y a un gros chien sur elle. Et elle va vivre ce genre de vie-là. Donc, alors, est-ce que vous vous engagez donc à vivre pour le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Amen, vous savez ce que vous avez dit? Amen, n'est-ce pas? Ne dites pas Amen si vous n'êtes pas d'accord. Vous sortez tranquillement parce que ce n'est pas pour tout le monde. Il m'a presque dit pas donné les choses saines à tout le monde. Donc, je suis là pour aider ceux qui veulent marcher avec lui pour avancer. Parce qu'en fait, vous devrez avoir une expérience avec lui. Quand vous allez avoir l'expérience avec lui, vous allez voir que votre situation change. Alors, je pose la question. Voulez-vous avancer vraiment avec le Seigneur? Amen. Il dit Amen, ça par réflexe ou par quoi? Vous réfléchissez bien. Amen, ça veut dire que vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord avec cela? Amen. Si vous voulez, je ne me tiens pas seul dans cette salle-ci. Vous allez fermer les Bibles, n'est-ce pas, frère? Donc, tout ce que nous allons faire maintenant, ce n'est plus sur mon contrôle, ce n'est plus sur votre contrôle. D'accord? Fermez, déposez le sang, levez-vous, on va prier. Si vous êtes venu avec quelqu'un, vous ne le connaissez plus, il ne vous connaît pas, n'est-ce pas? Donc, c'est entre vous et lui maintenant, entre vous et lui. Et souvenez-vous, vous avez votre problème à vous. Il vous connaît mieux que vous-même. Oui. Oui, mon cher. Tout le monde peut s'asseoir. Ok, asseyez-vous. Oui, mon cher. Je crois que ça, c'est la quatrième réunion depuis que tu es venu. J'étais à la première, oui. J'étais pas à la deuxième, j'étais à la troisième. Ok. Et c'est aujourd'hui, je suis à la quatrième. Peut-être que la cinquième. Et demain. Sera le samedi ou bien demain. Nous sommes samedi aujourd'hui. Ouais, donc demain, on. Demain, la dernière réunion. Ouais. Non, il y a encore une réunion mardi, c'est ça? Mardi, oui. D'accord, mardi. Oui. La dernière réunion, c'est le mardi. Oui. Bon, donc avec ta permission, oui. Je ne peux pas avoir ces choses à moi et puis prier hypocritement. Oui. Hier, j'étais à une réunion. On m'a invité à la réunion. Les hommes de Dieu m'ont invité. Les pasteurs étaient là-bas. Et comme ils m'ont invité, j'étais là-bas hier. Et je n'ai pas aimé le comportement des quatre personnes hier à la réunion. Et je l'ai signifié. À la réunion avant de sortir. Là-bas, c'est déjà. Oui, oui, oui. Avant la fin de la réunion, il y a signifié ça. Oui. C'est après ça, tout le monde, on est allé dîner et puis on s'est séparé. Je n'aime pas parler derrière quelqu'un. Pendant que tu es là, tu as dit quelque chose, c'est là que tu parles. Amen. Si l'occasion m'est donnée. Voilà. Je n'ai pas aimé le comportement de quatre personnes là-bas. Il y a des serviteurs de Dieu, trois pasteurs plus un prophète. Ils sont ici maintenant. Non, pas ici. Là-bas, à la réunion. Non, je demande si eux, là, ils sont ici. Ils sont pas ici du tout. Oui. Il était le seul oui. qui a été invité là-bas hier. Tout serviteur de Dieu ici n'a pas eu besoin de ça. Ils m'ont invité. Bon, je voudrais tout à l'heure, quand tu parlais, tu as dit, Paul a dit ça en 95. Mm-hmm. Tu as mis un truc comme ça. Mm-hmm. Ok. Moi, je ne sais pas quand est-ce que le jeûne a commencé. Hein. Mais même si c'est avant-hier ou hier, peu importe. Mais si tu as déjà. Bon, ce que tu as déjà enseigné le dimanche passé, le mardi passé, c'est pas ça que je veux demander. Mm-hmm. Donc, ce serait perdre du temps, c'est pas possible. Mais je voudrais que tu rectifies ça. On a lu un test tout à l'heure. Vous voyez, c'est l'apôtre Paul qui a dit ça en 95. Parce que, à l'an 70, bon, selon une connaissance que j'ai dans l'histoire de l'Église, tous les apôtres étaient déjà morts. Et le seul qui a survécu, c'est l'apôtre Jean. Sur l'île de Patmos où le Seigneur l'a amené au fil de l'Apocalypse. Mmh. Donc, j'aimerais que tu rectifies ça. Mmh. Parce que quand on écoute, mmh, ça rentre, hein, et on va avec ça. Et on parle de ça. Le serviteur de Dieu a dit à la 95, voilà. Mmh. Donc, je voudrais faire savoir ça. Et puis, je suis vraiment étonné. Parce que je connais une communauté en Côte d'Ivoire ici. Mais pas dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Oui. Pas en Afrique, mais en Côte d'Ivoire. La communauté de l'Imoudim. Des Limoudim. Limoudim, c'est voilà. Les chrétiens. Bon. Oui, c'est Kone Bakari qui l'a conduit. Oui. Depuis 1986 oui. Jusqu'à 2017 aujourd'hui. Bon, leur fille, comme leur femme, façon, elle se voile. Elle porte le voile là. Vraiment, j'ai cette connaissance, ce constat. Mais dans cette salle, je vois effectivement trois sœurs qui ont cette même façon de porter le voile. En l'occurrence, ta femme. Oui. L'autre sœur. Oui. Celle qui est là-bas. Peut-être oui. Que je ne vois pas d'autres, hein, oui. Mais c'est, visiblement, c'est les trois que je vois pour le moment. Oui. Est-ce que, bon, à l'exception de ta femme, est-ce que les autres, c'est des femmes de, ou bien des filles de communauté de Limoudim? Parce, okay. Que, parce qu'à cause, ma femme n'est pas de là. Ok. Mm-hmm. Non, voilà pourquoi je dis, hormis ta femme. Mais c'est mieux de les poser la question directement. Non, de toute façon, je pose la question directement maintenant. Mais pas individuellement à elle. Voilà, donc je pose directement la question. Mm-hmm. Voilà. Donc, je ne comprends pas. Mais ça, je n'ai pas besoin d'explication. Mm-hmm. Peut-être que dans les divers après, peut-être, s'il y a des questions, peut-être que si tu prends la parole, tu peux les brosser. Oui. Ce n'est pas de ça que je parle. Donc, comment on appelle mes deux préoccupations là. Oui, l'an 95 et... Oui, l'an 95. Oui. Et puis, le constat que j'ai fait sur les sœurs dans l'assemblée. Mm-hmm. Trois sœurs identiquement, mm-hmm, qui ont la même façon de se voiler. Oui. Alors, ça me pose une question. Elles viennent de la communauté de Limoudim ou bien? Parce qu'en Côte d'Ivoire ici, oui, c'est les musulmanes qui et les Limoudim qui sont comme ça. Les Limoudim qui s'habillent, qui se voilent comme ça. Et déjà, elles sont bien voilées. Hein? C'est bien voilé comme ça. Oui, elles se voilent comme ça. Mm-hmm. Oui, mais demain, c'est bien. C'est bien. C'est bien voilé, c'est bien. Ton appréciation par rapport à la chose. Si, ah, bon, si elles se voilent bien, quoi. Oui, c'est une appréciation, c'est une dépréciation que tu as en fait. Il dit, nonobstant qu'elle soit de communauté Limoudim là, oui, ou les musulmans, oui, là, cette façon-là, c'est bien ou c'est pas bien. Les Limoudim là, oui, leur femme, leur fils se voient comme ça. Non, il dit donc, est-ce que c'est bien donc ou bien c'est pas bien? Est-ce que se voiler comme ça, c'est bien? Dit que quand toi tu vois de ton cœur, tu apprécies ça ou bien c'est quoi? Ça dit, la question que tu me poses pour répondre à ça, quand les sœurs se voient comme ça, oui. Est-ce que pour moi c'est bien ou bien c'est pas bien? Oui. C'est la question que tu me poses. Absolument. Oui. Oui, mais là, j'avais parlé le premier jour de l'enseignement sur le voile. Oui. Bon, je n'étais pas là deux jours. Hein. Mm. Donc, je ne peux pas te demander si peut-être tu as déjà enseigné sur le voile. Ça, je... Mais quand les filles de Moudim se voilent, j'apprécie ça. Mm. Mais dans ce cas, pourquoi tu n'enseignes pas que les autres apprécient là où tu enseignes? Pourquoi tu n'enseignes pas ça? Et ça te paraît plutôt une surprise. Non, mais maintenant, je ne peux pas enseigner ça. Voilez-vous comme ça. Mmh. Moi, c'est une question que je pose. La question que je pose, c'est que est-ce que ces soeurs qui se voient en dehors de ta femme. Je ne connais pas les gens ici énormément. Donc, c'est à elle-là qu'elle doit répondre à cette question. Ah, moi, je vais répondre aux questions de l'an 95. Ok. Mais néanmoins, Olivier peut répondre. Tu sais, c'est lui qui est le président. Il nous connaît ici. Mais je ne demande pas ça. Non, mais. Est-ce que moi, quand tu parles, la soeur là vient du Cameroun. C'est l'épouse de. Est-ce que tu as compris? Non, mais. Non, on l'a éliminé. Bon, prenons, je prends d'abord l'an 95. Je dis hormis sa femme. Laisse-moi te voir là. Il faut laisser. Donc, c'est, comme c'est une appréciation, donc ça veut dire que. Non, je dis, est-ce que tu m'as compris? Je dis hormis sa femme. Maintenant, c'est. Non, non, mais il dit que. Non, attends. C'est là, c'est ça. Elle vient du Cameroun. Donc, on va prier. Ne détournez pas l'objectif. Mon frère, assieds-toi. Il n'y a pas de problème. Ne détournez pas l'objectif. Donc, tu as parlé de l'an 95, mais je vais te poser la question, quand est-ce que l'apôtre Jean est mort? Non, ça, nous savons que c'est le dernier apôtre. Non, ça, l'apôtre Jean, c'est après l'avoir écrit l'Apocalypse. Oui, ça, c'est en quelle année? Non, ça, je ne sais pas. Non, ça veut dire que tu as dit que d'après le renseignement que tu as, quand je me tiens, je dis que c'est d'après le renseignement que j'ai. Uh-huh. Parce que le premier épître de l'apôtre Paul, c'est lequel épître? Le premier épître qu'il a écrit, c'est quel? Épître. Oui, la première, quand il a pris sa plume, oui. Parmi tous les 14 qu'il a écrit là, oui. Le premier qu'il a écrit, c'est quoi? Même dans Actes, il a écrit. Non, il n'a pas écrit dans Actes. Il était avec Luc, c'est Luc qui écrivait. J'ai dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Mais attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il te pose une question. On m'a posé une question, je suis en train de répondre, tu veux quoi? Non, il y en a 14. Frère Olivier Angoran, laisse notre papa parler. Qu'est-ce que tu veux? Je suis en train de dire ceci. On m'a posé une question, je suis en train de répondre, tu dis, réponds à sa question clairement. Actes des apôtres, dans Actes des apôtres, le frère Luc les accompagnait avec Jean souvent et c'est là. Mais je dis les livres que l'apôtre Paul lui-même a de ses façons avec sa plume écrite. Quelle est la première de cette lettre-là qu'il a écrite? Est-ce que tu as un renseignement? Non, moi j'ai posé une question. Je dis, l'an 95, l'apôtre Jean est mort. Non. C'est ce que j'ai dit. Ah, là maintenant, tu dis maintenant que l'an 95, l'apôtre Jean est mort. L'apôtre Jean, le dernier apôtre, il n'est pas mort en 95. Il est mort. Il est mort après 95, à 102. Non, quand je dis 80, je dis bien après avoir écrit l'Apocalypse. C'est pour ça qu'il voulait qu'on situe la date. On situe la date. Maintenant, par rapport à l'apôtre Paul, le premier épître qu'il a écrit, c'est l'épître aux Galates. Mm-hmm. Et ça, c'est l'an 50. Mm-hmm. L'apôtre, l'épître des. Ce que Acte des apôtres, c'est pas lui qui a écrit. C'était Luc qui a écrit cela. À partir du verset 1, même lui me dit. Il commence à parler à un certain Théophile. Il dit que j'ai écrit dans ma première lettre comment ce que Jésus a commencé à faire. Il a raconté. Donc voilà, c'est la suite de lui le livre comme ça là. Donc par rapport. Parce que je dis ceci, j'en ai parlé ceci parce que tu as dit que d'après le renseignement que tu as. Donc ça veut dire que ça dépend de la source que tu as. J'ai une source, donc c'est d'après cette source que j'en ai détenue. Parce qu'en réalité. Quand vous allez regarder la chronologie biblique, vous allez remarquer que lorsqu'on écrit les choses, comme par exemple le cas des Hébreux, le livre d'Hébreux, on ne sait pas avec certitude qui l'a écrit. Mais les gens qui savent de quelle est la question. Quand on met les datations par rapport à ce livre, on va mettre 50, on met entre parenthèses, on met un point d'interrogation. Ça suppose que c'est douteux. Donc personne ne peut dire avec certitude ce qui se passe. D'accord? Donc l'intervalle, donc l'an 30, l'an 100, ça se situe là-dedans. Donc en gros, si on peut le dire avec une marge d'erreur. Tu ne peux pas le dire avec certitude. C'est pour ça que tu as dit que d'après la source que tu as. Alors maintenant, tu peux dire comme ça, d'après la source, peut-être que tu te trompes, peut-être c'est moi qui me trompe. Donc disons-nous tout simplement qu'il a écrit ça après Jésus-Christ, mais moins avant l'apôtre Jean. Voilà, ce sera plus bien que comme ça. Donc vous ne pouvez pas dire avec certitude que j'ai tort, et ne pas dire avec certitude que vous avez tort, parce que ce n'est pas écrit nulle part de façon historique. Mais de toute façon, l'apôtre Paul ne vivait pas dans la même période que l'apôtre Jean. Non, ils ont vécu la même période. Non, ce que je veux dire. Oui. Au moment où l'apôtre Jean vivait. Non, l'apôtre Paul vivait. Regarde très attentivement. Nous voyons dans le livre des Actes des apôtres, mm-hmm. l'apôtre Jean marche avec l'apôtre Pierre. Mm-hmm. Nous sommes d'accord. Mm-hmm. Il dit dans le livre Actes des apôtres, mm-hmm. ils marchent ensemble. Comment c'est ceux-là, y compris Paul et oui. l'apôtre Pierre qui sont morts. Jean le dit ceci, n'est-ce pas? Il dit qu'ils ont vécu au même moment. L'apôtre Jean a côtoyé l'apôtre Paul. Puisque à Jérusalem, ils se sont rencontrés ensemble. En Actes chapitre 15, ils étaient ensemble, non? Il y avait Jean, il dit que Jean, Pierre et Jacques, ils sont regardés comme les colonnes de l'église, mais donnés à moi et à cela. Ils ont dit ça, ils ont vécu ensemble, ils sont côtoyés. Mais Jean a dit que quant à ce qui est de leur vie exacte et de leur mort exacte, leur date exacte, on n'a pas la certitude sûre que c'est tel. Parce qu'il n'y a pas la datation par rapport à cela. Donc c'est avec vous appelez ça des incertitudes. Donc je ne peux pas dire avec certitude que c'est l'an 95 exact. Là, c'est pour ça qu'on dit toujours aux environs des. D'accord, mon cher. Pour ce qui est du foulard, je ne sais pas quel groupe tu as appelé là, où c'est Moudjahidine ou c'est qui là. Je ne pas comme ça. Mais quand il voit une femme s'habiller comme ça, c'est bien. Parce que ça lui permet de se couvrir. Et une autre chose, quand vous avez dit que c'est les musulmans. En fait, ce n'est pas les musulmans qui s'habillent, mais c'est la dénaturalisation de l'évangile qui est passé par l'Europe, qui a fait que les gens commencent à se dénuder, qui fait que quand les chrétiens s'habillent aujourd'hui, on croit qu'on imite les musulmans. C'est plutôt eux qui imitent la tradition chrétienne. Donc, de telle en sorte qu'aujourd'hui, quand une fille s'habille comme ça, on dit que non, tu es musulman. Non, c'est eux qui ont triché. Parce que la religion musulmane vient 600 ans après le christianisme. Alors, si 2600 ans après le christianisme, c'est eux qui ont copié, c'est pas les chrétiens qui ont copié. C'est parce qu'au fur et à mesure que l'évangile est passé, les pasteurs ont commencé à faire comme tous les pasteurs font maintenant, que non, Dieu ne regarde pas à l'extérieur, les chrétiens ont commencé à enlever, on montre le sein d'ailleurs et autres. C'est comme ça, normalement, les chrétiens s'habillaient. Parce qu'ils se couvraient. Bien sûr. Voilà. Voilà. Amen. Voilà. Limo. Mais là, vous parlez de Kone Bakari. Oui, c'est de lui, je parle. L'une des choses qu'il faut faire, c'est que le fait de se couvrir comme ça, c'est déjà un gain. Vous pouvez vous couvrir comme ça, mais vous avez à l'intérieur des malices. Vous pouvez vous couvrir comme ça et à l'intérieur, vous vivez mal. Vous vivez des choses. Moi, je me base sur ce que je vois. Oui. Ce que j'apprécie. Mmh. Voilà, cette façon de se voiler. Non, c'est bon. C'est pour cela que ma mission, c'est de faire entrer à l'intérieur. On doit prêcher pour l'intérieur et l'extérieur. Je ne reste pas à la surface, non. On n'est pas des pharisiens, quand on dit que... Parce que les gens disent chaque fois qu'ils ne sont pas comme des pharisiens. Jésus a dit qu'on prêche à l'intérieur et à l'extérieur. Les deux doivent être ensemble. Je veux dire ceci, il faut qu'on voit la chose. Le fait de se couvrir comme ça, là, n'est pas seulement la chose qu'il faut faire. Il faut se couvrir comme ça et que l'intérieur soit propre. Ça, je sais. Voilà. Donc là, un pied, il a dit que ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements qu'on porte, mais la parure intérieure est cachée. La purité d'un esprit doux et précis qui est d'un grand prix devant Dieu. Et dans le chapitre 2, il dit que les femmes âgées doivent aussi, donc en plus de ce qui est à l'intérieur, aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Il n'y a plus de questions, n'est-ce pas? Vous avez appelé le groupe là quoi, Moudjaï? Limoudim. Ils prennent les dîmes là-bas, hein, le mot dîmes là. Après le dîmes, ouais. C'est pour ça qu'on dit le mot dîmes. Quatre dîmes. Bon, c'est là. Bon, ne ratons pas l'objectif. Il ne faut pas que rien ne vienne nous obstruer comme ça obstruait Batimé. Vous vous souvenez? Donc, aucun objectif ne doit obstruer Batimé. N'est-ce pas? Pour Batimé, était l'aveuglement. Quel est pour vous? Pour Batimé, c'était quoi? L'aveuglement. Maintenant, quel est pour vous? Quelle est la chose qui vous crée problème et que dont vous voulez que le Seigneur Jésus-Christ enlève. Et là, Jésus lui a posé la question, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Il dit que je vais voir. Jésus lui a posé la question, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Quand Jésus pose la question, ne sait-il pas quel est le problème qui s'ouvre? Il sait. Dans ce cas, pourquoi il pose la question? Hein, Francis Dibé? Comment? Jésus ne sait-il pas de quoi il est question? Il sait. Alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ se tient devant vous, il pose la question, il connaît exactement quels sont tes besoins. Ils connaissent ce à quoi tu aspires. Donc maintenant, n'essayez pas d'imiter la foi. Soyez naturel. Et là, ce que je vais faire, c'est... J'essaie de vous canaliser jusqu'à ce que vous le touchez de la bonne façon. Là-bas, on n'a pas dit que les séries des aveux qui étaient là-bas, Batimé s'est levé, laissé son manteau, on n'a pas dit que mon ami, allons ensemble. Jésus ne nous a pas appelés ensemble, il a dit qu'appelez-le. D'accord? S'il est là, s'il y a n'importe qui veut créer obstacle, c'est lui qu'on a appelé, donc c'est lui qui doit... Son problème doit être résolu. Donc vous êtes à côté, si quelqu'un vomit, si quelqu'un fait n'importe quoi, c'est son problème. Nous sommes d'accord? Levons-nous donc. C'est facile. Quoi qu'on appelle une demande, qu'on s'assoit. Donc, il faut d'abord vérifier qu'il n'y a pas de préoccupations. Qu'il n'y a pas de préoccupations. Vous connaissez vos besoins, mais il y a des choses dont je veux traiter particulièrement. Ces choses-là qui vous empêchent d'avancer. D'accord? On va prier jusqu'à ce qu'il y ait des réponses. Vous êtes d'accord avec moi, frère? Amen. Ok, vous connaissez vos problèmes. Écoutez très attentivement maintenant. Écoutez bien cette voix maintenant. Écoutez bien cette voix maintenant. Je veux toute votre attention. Écoutez cette voix. Tout ce qui est de la sorcellerie. Tout ce qui est de la sorcellerie. Tout lien entre vous avec la sorcellerie. Je veux dire, tout ce qui concerne des ténèbres. Ou mieux encore, tout poison de nuit. Toutes ces choses par lesquelles, ces chaînes par lesquelles Satan vous captive et vous soumet à sa volonté, ça doit tomber aujourd'hui. Amen. Ça doit tomber aujourd'hui. Amen. Écoutez bien cette voix. Je m'adresse à tout esprit ici de sorcellerie. Tout esprit de sorcellerie. Tout esprit qui manipule vos vies, dont vous êtes au courant ou vous n'êtes pas au courant, ça doit vous lâcher maintenant. toute alliance avec la sorcellerie, tout votre lien avec la sorcellerie, tout esprit qui vous tenaille, tout esprit qui manipule vos vies, je vous commande maintenant de laisser ces enfants. Toute puissance des ténèbres. Vous m'entendez très attentivement. Vous écoutez cette voix. Je vous commande de laisser ces enfants. Lâche-la! Je vous commande. Vous m'entendez très attentivement. Tout poison de nuit, tout poison dans votre système, dans le sang, dans ton corps, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ça sorte maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lâche-la. Lâche-la. Tu ne peux plus habiter son corps, elle ne t'appartient pas. Tu ne peux plus habiter son corps, elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Tu la quittes maintenant. Tu la quittes maintenant. Tu la quittes maintenant. Sors! Vous m'entendez dans cette salle, quel qu'en soit l'endroit où vous trouvez dans cette salle. Quel qu'en soit l'endroit où vous trouvez dans cette salle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute puissance de sorcellerie, toute puissance, couche de nuit, poison nocturne, elle ne t'appartient pas. Elle ne vous appartiendra plus jamais. Elle n'est pas de votre communauté. Son lien avec vous est brisé. Son lien avec vous est brisé. Son lien avec vous est brisé. Je commande à toute puissance dans cette salle. À toute puissance dans cette salle. Lâche-la! Lâche-la! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à toute puissance. Je commence. Tu la lâches. Tu la lâches. Vous entendez bien ma voix. Vous entendez cette voix. Je commande. Vous ne les resterez plus dans leur vie. Je commande à toute puissance dans cette salle de lâcher ces enfants. Ils vont servir le Seigneur comme le Seigneur veut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous commande de les lâcher maintenant. Puissance de sorcellerie. Toute puissance de sorcellerie. Écoutez très attentivement cette voix. Écoutez très attentivement cette voix. Tu n'as plus le droit de rester dans son corps. Tout poison dans votre système, dans votre corps, je commande au nom de Jésus de Nazareth que vous sortez maintenant. Tout poison dans ton système, dans ton sang, installé par l'ennemi, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous lâchez ces enfants. Sors d'elle maintenant. Sors d'elle. Sors. Sors. Sors avec tous tes poisons et tu ne lui fais pas du mal. Elle ne vous appartiendra plus jamais. Elle ne vous servira pas. Aujourd'hui, c'est ton jour. Allez, lâche-la. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Sors d'elle, sans lui faire du mal. Elle ne vous appartient pas. Sors d'elle. Tu la réclames pour toi, Jésus la réclame pour lui. Maintenant, sors. Sors. Elle ne vous servira point. Elle ne vous servira point. Elle ne vous servira point. Écoutez bien cette voix. Toute puissance des sorcières, tout ce qui vous maintenait dans la captivité, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces esprits vous lâchent maintenant. Tout poison dans la nuit, vous tous qui mangez dans la nuit, le poison qu'on vous donne, je commande que ça sorte maintenant. Sors! Sors! Sors! Vous entendez ma voix. vous entendez ma voix, toute puissance. Toute puissance. Écoutez bien cette voix. Écoutez bien cette voix. Tout poison dans votre corps, dans votre système, toute alliance avec la mort, toute alliance de sorcellerie. Au nom de Jésus de Nazareth, vous m'écoutez. Je commande que vous lâchez ces enfants. Je commande que vous lâchez ces enfants. Vous devrez être séparés de ces esprits. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Commandez, commandez, commandez, commandez, commandez à tout esprit, qui tient votre vie captive de vous lâcher. Ça, c'est la marque de la famille. Commandez, commandez. Commandez, commandez, commandez, commandez, commandez, toute puissance. Commandez, commandez, commandez. Commandez. Tu quittes ton corps. Toute puissance qui tenait votre vie captive au nom de Jésus de Nazareth. Sors! Sors! Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, toute puissance, au nom de Jésus de Nazareth, commandez, commandez, commandez. Vous avez l'autorité. Toutes ces choses qui vous empêchaient de marcher comme le Seigneur veut, toutes ces choses qui vous empêchaient de marcher comme il veut, commandez, ça doit vous lâcher. Commandez, commandez. Commandez à toute puissance qui tenait votre vie captive. Commandez, commandez, commandez, commandez, commandez, commandez, commandez, commandez. Nom de Jésus de Nazareth. Commandez que ça vous lâche. Commandez que ça vous lâche. Commandez que ça vous lâche. Commandez que ça vous lâche. Commandez. Lâche cette femme maintenant. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie. Lâche-la. Lâche-la. Nom de Jésus de Nazareth. Commandez, commandez, commandez. Toute puissance des sorciers, toute puissance des sorciers. Commandez. Commandez, commandez, commandez, commandez, commandez. Commandez, commandez, commandez, commandez, commandez, commandez. Dieu ne doit plus habiter ces garçons. Lâche-le. Lâche-le. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Lâche-le. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Lâche-le. Nom de Jésus de Nazareth. Avec les ténèbres. qu'elle est captive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande. Commande. La femme qui a été blaguée, il y a le poisson dans son ventre. Elle a été blaguée. Il y a le poisson dans son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commande. Il y a le poisson là-dedans. Commande. Elle a fait des prières, mais non, de Jésus-Christ Nazareth. Toute puissance, les ténèbres qui vous tiennent captifs. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, qu'elle vous lâche maintenant. Commandez. Toute puissance des ténèbres qui vous tenez captifs au nom de Jésus Nazareth, que ça vous lâche. Commandez. Tout poison de nuit, tout homme des ténèbres, au nom de Jésus de Nazareth, que ça vous lâche. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance des ténèbres qui vous tenez captifs au nom de Jésus de Nazareth, je commande que ça vous lâche dans vos ventres, dans le sang, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Quitte cette femme. Quitte-la. Comment Commande. Toute puissance des ténèbres, vous tenez captif au nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance des ténèbres, toute semence des ténèbres, commandez, vous avez l'autorité dans le nom de Jésus, commandez. Elle n'appartient plus à votre clan. Elle appartient au Seigneur Jésus. Tu as assez manipulé sa vie. Allez, lâche-la. Lâche-la. Lâche-la, lâche-la, lâche-la, le doigt de Dieu contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu quittes sa vie maintenant. Tu quittes sa vie, tu quittes sa vie. Sors! Sors! Sors! Tout ton poison. Là, il s'assoit pour parler de moi. Sors! Là, il s'assoit pour tenir les yeux. Sors! Il n'a aucun accès. Sur ma vie, sur la vie de mes frères et mes soeurs. Il n'a aucun accès. Sur la vie de mes enfants. Il n'a aucun accès. Sur la vie de mon mari. Il n'a aucun accès. Sur la vie de mon mari. Fils encore, tous tes poisons, il les fait hors. Oh. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Qui s'en vante? Toi, esprit de sorcellerie. Toi, esprit de sorcellerie. Qui sort de sa vie. Je te sépare d'elle aujourd'hui. Tu quittes sa vie maintenant. Tu quittes sa vie. Sors. Lève-toi, madame, lève-toi ici. Qui t'en vante? Nom de Jésus de Nazareth. Non, dis-je plus Nazareth. Tu la quittes maintenant. Aujourd'hui a lieu la séparation. Il y a le poison dans ses ventes. Tu quittes ton ventre. Sors! Sors. Qui t'en va? Qui t'en va? Qui t'en va? Qui t'en va? Qui t'en va? Ouais, esprit de sorcier, tu quittes ton ventre. Nom de Jésus de Nazareth, tout poison, tout problème avec ton système, je commande au nom de Jésus de Nazareth que ça sorte. Sors! Sors! Sors! Sors tout, tout, tout ce qui t'a mis dans ton système, tout! Où est la femme qui t'avait dans toi là? Elle est sortie. Elle est où? Non, pas celle-là, il y a une là qui avait le poisson là. Elle est où? Elle est là. Elle a quelque chose dans le monde. Elle est là, elle m'a dit. Je commande que toute puissance qui vous maintenait lié au nom de Jésus de Nazareth, que ça vous lâche. Nom de Jésus de Nazareth. Déjà bon Dieu, Dieu qui vient, il y en a pas encore à toi. C'est ici que ça se passe. D'accord? Regarde-moi, ne prie pas. D'accord? Ne prie pas parce que la réalité, tu ne parviens pas à prier. Reste calme, d'accord? Reste calme. Laisse-moi prier, d'accord? Mets ta main droite sur ton cou. Reste comme ça. Elle est là comme ça, ne prie pas. Elle va nous parler, c'est pas vraiment prier. Sors tout, tout, tout, tout. Je ne sais pas. Total, et toute chaîne dans ma vie soit brisée maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Calmez-vous. Je veux que vous tous vous me regardez. Je veux toute votre attention. Ce qui amène à la manifestation ne consiste pas à la récitation, mais à prier selon l'esprit. Écoutez bien très attentivement. Ce n'est pas parce que vous dites feu de Dieu que ça va brûler les esprits dont vous parlez. Ce n'est pas ça. Vous devez suivre la direction qui est donnée. On ne peut pas commander au Saint-Esprit de manière. Le Saint-Esprit a donné une direction. Vous commandez à toute puissance qui vous tient en captivité. Toute puissance qui vous tient en captivité. Ouais, c'est entré par la scarification. Ça, c'est une marque familiale ici. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Vous avez dit que vous voulez prier, n'est-ce pas? Oui. Mais je vois que les garçons plus sont plus faibles que les femmes. Vous voulez prier? Amen. Amen. Hein? Amen. Depuis que vous êtes là, vous dites Amen. Donc écoutez très attentivement. Écoutez très attentivement. Il y a des problèmes avec vous. Il y a des femmes qui sont pointées ici particulièrement. Vous voulez servir le Seigneur. C'est ça qui fait que vous allez vous prosterner 2 minutes, vous dormez. Parce que vous ne savez pas prier. On ne vous a pas entraîné à la prière. Attendez, la prochaine fois, on va venir ici. On va passer des jours ici à prier seulement. Donc ce que vous faites, c'est vous commandez, vous commandez. Vous n'avez pas de feu pour brûler. On ne nous a pas demandé qu'on brûle avec du feu. commandez que toute puissance des sorcelleries qui vous tenez captif, quel que soit le nom, quel que soit le niveau, que ça soit brisé au nom de Jésus-Christ. Mmh. Attendez d'abord, il finit avec celui-ci là, celle-ci. Qui es-tu? Qui es-tu? Ici, il y a là. C'est le nom de vous amuser avec cela. Ah là, vous profitez, oui, asseyez-vous d'abord. Si vous bavardez, ça va vous donner plutôt la sueur, si vous êtes fatigué pour rien. Il faut prier la prière. Ne bavardez pas. Vous bavardez, vous apprenez les mains. Les démons n'ont pas peur de cela. Ils ont peur de l'autorisation. Elle ne vous servira pas. Maintenant, tu quittes son corps. Quitte son corps. Elle vous a déjà dit fatigué qu'elle ne veut pas de vous. Maintenant, lâche-la. Elle ne vous appartient. Elle ne vous appartient pas. Bande de sorcières. Elle a quitté votre village depuis. Elle ne vous appartient pas. Elle n'appartiendrait pas à ces clans-là. Je ne quitte pas où. Tu sortais d'abord d'où? Tu es son enfant, ça m'appartient. Elle ne t'appartient pas. Depuis quand? En détail, elle est créée. En détail, elle est. Continuez comme ça là. Continuez, vous dites, je suis une nouvelle créature. C'est plein là. Vous voulez rester avec, restez. Vous voulez garder votre semence, gardez. Là, il y a le poison ici. Ici, il y en a. Ici, il y en a. Là-bas, il y en a. Là-bas, c'est en jaune là. Et celle-ci, regardez, c'est plein. Lâche-la! Sors! Soyez prêts pour qu'elle ne s'installe pas avec ces choses-là. Allez, allez, allez! Allez! Sors! Sors! Sors! Il ne faut pas qu'elle s'installe avec ça. Sors! Sors! C'est une grande merde. Sors! Tu sors. Allez, quitte son ventre. C'est là que je dors. Il demande que tu quittes son ventre. Il n'a pas demandé où tu habites. C'est tu là dors. Que je dors. Quitte son ventre. Tu as voulu l'initier. Elle a dit qu'elle ne vous appartient pas. C'est à cause de ta prière. À cause de ta prière. Tu voulais qu'elle vous serve, n'est-ce pas? Elle n'appartiendra point à votre clan. Allez, quitte ton ventre. Quitte ton ventre. De pas où. Quitte ton ventre. De pas où. Quitte ton ventre. Sors. Sors. Allez. Allez. Sors ça, sors. Allez, vieille sorcière, on ne peut pas laisser les jeunes filles tranquillement. Tu as gâché sa vie, envoyé de mauvaises personnes sur sa voie. C'est toi qui as détruit sa vie. Allez, quitte son ventre. Et tu ne retournes plus jamais dans sa vie. Sors tes poisons. Sors tes poisons. Allez. Sors tout ce que tu as mis dans son corps. Tout. Allez. Dehors. Dehors. Dehors. Allez, dehors. Sors tout ça. Sors tout. Sors tout. Sors tout. Sors tout. Pourquoi tu veux la sauver? Hein? Pourquoi tu veux la sauver? Tu sais pas que nous on a gâté sa vie pour toujours? Tu veux la sauver pour quoi? Hein? Oh. Il m'a dit quoi aux autres là? Hein? Oh. Mon maître va me chicoter d'abord. Et toi tu veux que je quitte ce corps pour aller où? Hein? Je sais pas où. Il fait chaud, hein? Ok. Allez, sors, sors. Tu la lâches, aujourd'hui c'est ton jour. Quitte son ventre. Quitte son ventre, c'est ta faim. De vieillesse. Je ne vais pas quitter ce corps. Je ne peux pas quitter ce corps. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Quitte là! Quitte! Lâche ta vie, tu ne dois plus la suivre. Trop de mouvement là. Quitte là! Quitte là! Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Il dit tu la quittes. Tu la quittes. Tu la quittes. Tu la quittes. Tu la quittes. Tu, il dit tu la quittes. Terminé. Hey! Allez, allez, allez. Tu la quittes. Tu la quittes. Tu la quittes. Tu la quittes. Tu la quittes. trop de mouvements. Vous me concentrez. Trop de mouvements, trop de mouvements. Soyez seulement là et priez. J'ai dit que tu la quittes. Soyez seulement en prière. Soyez seulement en prière. Tu la quittes. Cette jeune fille a assez souffert dans ta vie, donc maintenant tu la quittes. Tu la quittes maintenant. Tu la quittes. Terminé. Tu la quittes. Tu la quittes. Tu la quittes. Tu la quittes. Tu la quittes. Sors. Sors. Sors. Quand on a commencé là, cet esprit a fait pour que l'enfant pleure, pour qu'on lui dise de sortir, parce qu'elle devait être délivrée. Elle suivait, il voulait voir si c'est l'enfant qui pleure ou que c'est un esprit. Donc elle est à l'intérieur, elle fait pleurer l'enfant pour qu'on dise que la femme sort. Vous voyez, que sort avec l'enfant, pour qu'elle reste là-dedans. Sors! Viens comme ça, mon cher, tu vas la soutenir. Tiens-toi, tiens-toi ici, tiens-toi. Ah, où est-ce qu'il va aller avec l'église? Donc tu la suivais, d'accord? Tu ne dois plus manipuler sa vie. Elle ne t'appartient pas. Elle a assez souffert comme ça. Elle n'héritera pas de ta puissance. Maintenant, tu la quittes. Tu la quittes. Aujourd'hui a lieu la séparation entre vous et elle. Allez! Allez! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu quittes sa vie. T'inquiète pas, là où elle est liée. Donc, je vous ai dit la dernière fois que je regarde, vous me regardez, non? N'est-ce pas, frère? Oui. Que quand il vous regarde, vous me. Il me regarde, on se regarde. Nous voici là maintenant. Que je suis chrétien. Je suis serviteur de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau depuis. J'ai le Saint-Esprit. Tu parles. Attendez. Je crois que la fatigue là, c'est la famille. Quand on donne la nourriture, après vous prenez la force, on prie. Amen. Amen. Hein? On va d'abord prier. C'était même ça, même amen toujours. Vous voyez ça ici. C'est pour ça qu'il était fait venir là-bas. Mais qu'elle ne se fasse pas mal. Enlevez ce sac. Vous la laissez là tel qu'elle se trouve. Enlève le sac. Donne-moi le sac ici. Soulève le sac. Donne les choses. Quitte sa vie. J'ai dit tu quittes sa vie, il n'y a pas de négociation. Tu quittes sa vie, tu l'as assez manipulé. Et elle désire servir le Seigneur, tu ne peux pas l'empêcher de servir le Seigneur. Sors! Elle ne vous servira pas. Sors! Mets ta main droite sur son épaule. Mets, voilà, maintiens son. Merci. Toi, sors. Lâche-la maintenant. Allez, lâche-la maintenant. Lâche-la. Au nom de Jésus de Nazareth, sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. L'esprit qui a beaucoup le plus duré ici. Quitte ton ventre! Quitte ton ventre! Toi, sorcier! Quitte ton ventre! Quitte ton ventre! Allez, allez, allez. Allez. Vomis-moi tout ça. Vomis tout, tout, tout, tout tes poisons. Tout. Tout. Tout. Tout, ça doit sortir. Tu ne laisses rien dans ce système. Allez. Mais tout, tout. Yeah. Sors de cette femme. Sors de cette femme. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors. Sors. Sors. Comment elle n'est même pas vivre avec des tas de trucs dedans comme ça? Sors, sors, sors tout, tout. Tout. Sors tout. Sors tout, tout. Tout. Vous marchez le matin, vous vous lavez, il y a tout un monde dans votre corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu entends cette voix-là. Tu entends cette voix-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tu savais que ta femme avait un problème. Donc quand vous voulez la consacrer, serviteur, servitrice ou servante là. Tu savais quel était son problème? Non, pas vraiment. Tu ne pas quel est le problème. Tu connaissais quel est le problème quand même. Pourquoi vous pensez que tu avais la lumière là partout? Donc c'est quitte là. Quitte cette femme. C'est terrible ici encore pour toi. Vous avez prévu de l'eau à boire. Il y a au moins de l'eau là-bas à boire. Il y a de l'eau à boire. C'est Chantal. Vous pouvez distribuer l'eau que les gens peuvent boire, mais ils prennent la force. Je crois qu'il y a une femme là-bas dehors. Oui. Non, pour les gens là qui sont fatigués là. Il y a des gens là qui n'ont pas jeûné, ils sont seulement venus comme ça. Donc ça c'est la scarification quand on est enfant. Elle est petite, on a fait des scarifications. Tu lui veux quoi? Tu lui veux quoi? Elle ne vous servira pas. Lève-la, mon frère, lève-la. Lève-la, tiens-la. Il m'amuse, hein? Vous savez pas ce que vous allez le faire. Attends, quand il va déclencher, vous allez voir, non? Blaguer. Ça ne le blague pas, c'est leur soeur qui dit bonjour, bonjour. Là. Elle ne veut pas se lever, pas elle ne veut pas se lever. Vous avez dit que vous voulez prier. Vous avez dit que vous voulez prier. Thank you. Vous croyez que vous blaguez sur moi? Non, de Jésus de Nazareth. Non, de Jésus de Nazareth. Mais arrêtez la bête, ne se passe pas mal, d'accord? Ça, c'est celle que vous voyez, c'est votre soeur. Mais l'autre contre qui vous en êtes tombé, c'est notre ennemi en tout. D'accord? Et lui, ça, c'est votre soeur que vous avez tenu là. Mais votre ennemi à vous et à moi, vous ne l'avez pas tenu. Juste quand vous allez attacher comme ça. Maintenant, lâche-la! Lâche-la! Faites attention, hein. Si vous n'avez pas pris de force, vous allez prendre de force maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu entends ma voix, tu entends ma voix. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu entends bien cette voix. Tu entends bien la voix. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus de Nazareth! Sors d'elle maintenant! Non, de Jésus de Nazareth, tu la lâches. Elle ne vous servira pas. Elle ne vous servira pas. Elle n'appartient pas au monde des ténèbres. Elle a fait alliance avec le Seigneur Jésus. Donc tu la quittes maintenant. Lâche-la. Non, de Jésus de Nazareth. Non, de Jésus de Nazareth. Non, de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Sors. Ah, vous m'avez fait venir seulement dans la maison. Sors. Ne lui faites pas mal, je vous ai dit que c'est votre soeur là-bas, mais l'ennemi, parce que depuis elle est quand vous pensez, vous ne savez pas qui est à l'intérieur. Sors! Voilà, l'heure des challenges est arrivée maintenant. Sors! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Toi, tu as bientôt, tu vas bientôt ajouter là-bas, parce que les trois ne suffiront pas. Au nom de Jésus de Nazareth! Elle ne vous appartient pas. Et tu veux manipuler même son mari. Détruire ses enfants. Tu ne pourras pas lui. Maintenant, ta mission, ça s'arrête aujourd'hui. Tu la quittes. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Souvenez-vous, quelle qu'en soit ce que vous allez les voir, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur contre les esprits. C'est à cause du fait justement qu'ils ont été déchus qu'ils peuvent se cacher comme ça. Mais l'autorité dans le nom de Jésus pour les déloger. Alors dites-vous seulement, restez seulement tranquille, même si vous ne savez pas prier. Dites seulement que Seigneur, s'il y a n'importe quoi dans ma vie qui ne vient pas de toi, qu'il ôte. D'accord? Oui. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Tu entends bien cette voix. Tu entends cette voix et tu comprends ce que ça signifie. Donc tu dois quitter. Tu dois quitter. Tu dois quitter. Tu dois quitter. Et tu quittes maintenant. Tu quittes maintenant. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Il est là comme ça, comme un sour boy. Comme ça, frère. Sors. Sors. Aide seulement là-bas, oui. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance des ténèbres. Toute puissance des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi ne lâche pas comme ça. Ils savent que c'est un camp qui va perdre. Et il perd comme ça. Il y a même la conséquence sur sa propre vie. Donc, et là, il ne pas lâcher. Donc, souvenez-vous, la personne que vous arrêtez, c'est votre soeur. La personne contre qui nous luttons, ce sont des puissants désincarnés. Des esprits qui nous connaissent, qui vous connaissent. Ok. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, madame, lève-toi. Lève-toi. Aide-la à se lever. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Il veut passer sa ligne, ça me va. Ouais, comment il veut faire avec vous là? Maintiens-la debout. Il veut qu'elle soit debout. Maintiens-la debout. Si vous voulez tomber, vous tombez seulement à deux. Non. Ne lève pas comme ça. Est-ce que c'est pas mon frère? Voilà. Maintiens-la debout. Maintiens-la debout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle croit que ça a empêché la lumière qui vient vers elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fermez-le bien l'arrêter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Maintenez-la, maintenez-la. Avant que nous sortions, il faut qu'on les chicote un peu bien pour comprimer ce qu'ils ont fait dans la vie de ces femmes. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Courage, Père Olivier, courage. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Lâchez-la. Au nom de Jésus Nazareth. Suivez-la, maintenant, suivez-la. Elle est fatiguée. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Sors. Sors. Sors. C'est ta fin. C'est aujourd'hui ton décret, c'est ta fin. C'est ta fin. Sors. Sors. Mais tenez la bien, mon frère. Comment tu es fatigué? Sors. Tu es fatigué, mon frère. Maintenant tu es fatigué, qui va travailler là-bas? Un frère rabbinien. Non, il reste là debout. C'est soit sain aussi. Amen. On dit si un souffle, tout souffre, non? Amen. Donc tiens, regarde le frère Olivier, il a pris du courage. Il souffrait là, mais il a quand même. Elle veut bagarrer, elle commence à bagarrer avec moi. Tu veux bagarrer avec moi? Tu veux bagarrer avec moi? Ah! Ah! Tu veux bagarrer avec moi? Ah! Ne quitte pas, parce que c'est pas terminé là-bas. Tu lâches cette femme maintenant. Elle va servir le Seigneur. Tu quittes cette femme. Sors. Sors. Sors. Elle est-ce que tu es renversée? Bon, fais attention maintenant. Maintenant. Elle va aller au sol maintenant. Donc fais attention. Sors. Sors. Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Ne t'inquiète pas, c'est au sort qui se trouve là-dedans, d'accord? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Tu vois encore, elle a fait 3 jours de jeûne comme toi. Mais elle est plus forte, non? Hein, mon frère? Donc, parce que celui qui est à l'intérieur n'a pas fait 3 jours. Non. Voilà. Il vit de son sang et de son système. Donc après ça, quand il sort, la fatigue qui va l'envahir. Lâche-la maintenant. Allez, au sol. Allez. Oh, au sol. Maintenant, lâche-la doucement. Lâche-la comme ça, là. Sors. Les deux ici, c'est le plus violent et le plus dur. Ça doit finir, on vient à vous. Et ça sort où? Laissez-le debout, lui il travaille. Suivez-le seulement. Et ça passe de tous les côtés. Tout esprit qui vous attrape, qui est dans n'importe quel domaine de la vie, ça va vous toucher dans vos édifices. Sors! Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que ces groupes de jeunes gens font en bordure de la mer? Demande ça toi. Qu'est-ce que ces jeunes gens se font en bordure de la mer? Ils font quoi? Au nom de Jésus de Nazareth. C'est toi qui parle, d'accord? Au nom de Jésus de Nazareth. Non, mais je suis Nazareth. Tu n'as pas le choix de sortir maintenant. Allez, quitte là. Quitte là. Qu'est-ce qu'il faut en Belgique de la mer? Qu'est-ce que ce groupe de jeunes gens font en Belgique de la mer? Ils s'amusent en évoquant qui là? Qui? Sors! Vieille sorcière. Elle a dit qu'elle ne vous appartient pas et qu'elle ne veut pas vous servir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu la quittes maintenant. On t'appelle la reine mère. Hein? On t'appelle la reine mère. Tu la quittes. Elle est la princesse de Jésus. Tu es la reine mère des ténèbres. Tu sors donc. Et prier, tout ce qui est dans votre substance, ça va sortir. Vomis tout, il dit bien tout. Tout. Toi-même, tu as manipulé sa vie. Vomis tout. Tout ce que tu as mis dans son système, tout ce que tu as mis pour le tenir captif, ça sort maintenant. Moi, la dame, là, c'est à cause de ça qu'il te dit la semaine dernière de gérer pour lui. D'accord? Voilà donc le résultat de ça. Au nom de Jésus de Nazareth! Non, de Jésus-Christ de Nazareth! Maintiens-le seulement, d'accord? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Il faut que celle-ci soit libre d'abord, pour elle est cruciale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Sors! Sors! Sors ça. Allez. Bon, ça. Laisse ta chaussure, n'a pas de problème. C'est lui, d'accord? Regarde ça. Allez, sors tout, tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Baisse-le, d'accord? Baisse-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors-moi tout ce que tu as mis dans son vent, dans son système. Tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors tout. Tu sors tout ce que tu as mis dans son système. Tout ce que tu as mis dans son système. Alors avec tout ça dont vous adorez comment? Comment vous allez adorer? C'est ta faim, c'est ta faim, c'est ta faim. Allez. C'est terminé. Terminé. Allez, allez, allez, allez. Terminé, terminé. Terminé. Terminé. C'est vous comme ça, ça soit. Fais-le ça soit plus juste ici. Ok, ok, voilà. Ça soit. Suivez-le, d'accord? Lève-toi, madame, lève-toi, lève-toi, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Prenez-la. Elle est libre. Les femmes sont là comme ça, votre soeur est en train de se poser là comme ça, comme le puits de blé. Pour qu'elle puisse se nettoyer alors. Non, donne à une soeur, elle, ça, voilà quelqu'un d'à côté, elle est à côté, elle est en train de regarder comme ça là. Oh. Femme, pourquoi toi tu es dehors? Viens ici. Cette femme. Toi, tu ne sais pas que tu as des problèmes. Madame, tu ne sais pas que tu as problème. Tu sais que tu as problème. Hein? Tu comprends pas. Maintenant, vous avez pris de l'eau, vous êtes en force, n'est-ce pas? Vous avez la force, n'est-ce pas? Donnez l'eau à cette femme-ci. Donne l'eau à la femme-ci. Quand vous buvez l'eau après 3 jours, buvez doucement, sinon ça va vous faire du mal. Quelle est cette femme maintenant? Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu as peur. Je ne veux pas qu'on prie pour toi. Tenez-vous donc de bois, l'homme prie. Vous êtes d'accord? Vous avez pris l'eau, vous êtes déjà bien. Sauf ceux pour qui on a prié, comme ça s'assoit. Donc tenez-vous à l'eau de bois, on va prier. Écoutez donc bien la direction. Ce n'est pas le feu, vous n'avez pas le feu à votre disposition. Vous n'avez pas le feu. Commandez déjà, commandez seulement que toute puissance des sorceleries, toute puissance des sorceleries, toute puissance des ténèbres qui me tenaient captif, qu'il soit brisé au nom de Jésus. Donc, il faut que le lien soit coupé, n'est-ce pas? Allez-y, priez. Commandez, commandez, commandez, commandez. Toi, tu commandes sur elle, d'accord? Comment? Comment Je commande. Je vous commande. Je Comment? Quel que soit l'esprit qui vous tenait captif, au nom de Jésus de Nazareth, je commande au nom de Jésus de Nazareth, écoutez cette voix. Quel que soit l'esprit qui vous tenait captif, au nom de Jésus de Nazareth, je vous sépare de ces esprits. Je prie par cette puissance de Commandez, commandez, commandez, commandez. commandez. Fais-la venir ici devant. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je sens qu'il y a tout le monde, c'est Jésus de Nazareth. Je commande à tout esprit de sortir d'être au nom de Jésus de Nazareth. Je commande à tout esprit de sortir d'être au nom de Jésus de Nazareth. Je commande à tout esprit de sortir d'être au nom de Jésus de Nazareth. Je commande à tout esprit de sortir d'être au nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance qui vous tenait. Commande. Qui tenait votre corps, votre vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je commande. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Qu'elle vous lâche. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout poison. Je commande. Tu vas où, madame? Au nom de Jésus-Christ. Tu vas où? Je commande. Allez-y. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Vous cherchez, vous le restez là-bas, d'accord? Je commande. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toute puissance des ténèbres qui vous tenait captif. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à l'esprit de sortir d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à tout esprit. Commandez que ça sorte de votre système. Commandez. Esprit de sortir d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à tout esprit de sortir d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commandez. Que ça sorte de vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ Nazareth. Nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors de son système, sors de son système. Sors tout. Nom de Jésus-Christ Nazareth. Lâche-la. nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vous commande à tout esprit de sortir d'elle au nom de Jésus de Nazareth. Je vous commande à tout esprit de sortir d'elle au nom de Jésus de Nazareth. Je vous commande à tout esprit de sortir d'elle au nom de Jésus de Nazareth. Je vous commande à tout esprit de sortir d'elle au nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. À tout esprit de sortir au nom de Jésus de Nazareth. Je vous commande à tout esprit de sortir d'elle au nom de Jésus de Nazareth. Je vous commande. Nom de Jésus de Nazareth. De sortir d'elle. Nom de Jésus de Nazareth. Je vous commande. Sors. De sortir d'elle. Au nom de Jésus. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Doucement, d'accord, doucement. Doucement, qu'elle ne se passe pas mal, d'accord. Au nom de Jésus de Nazareth. Priez. Priez. Je vous commande à tout esprit de sortir d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Dépose-la doucement maintenant. Doucement. Doucement. Doucement. Doucement. Doucement. Sors. Cachez-vous avec cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous commande à toute puissance. En avant, vous commencez. Vous allez prier jusqu'à la nuit ici. Toute puissance qui se cache en vous. Je commande. Il va vomir. Il y a des choses dans son corps. Frère, tu ne peux pas travailler en même temps comme ça. Tu sais ce travail. Il ne faut pas que ça salisse avec ça. Voilà, tiens-toi comme ça, ma chérie. Tiens-toi là. Tiens-toi parce qu'elle va venir comme ça, d'accord? Sors! Sors! Sors! Sors! Non, non, laisse-la, laisse-la. Il faut que ce qui est dans son ventre la sorte. Sors! Elle va vomir ta chaussure. Sors! Après la prière, il faut pas qu'elle bouge, je vais lui parler. Celle-ci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance qui vous tenait captive. Je vous commande de sortir d'elle. Au nom de Jésus-Christ. Je vous commande à tout esprit de sortir d'elle. Au nom de Jésus-Christ. Je vous commande à tout esprit de sortir d'elle. Au nom de Jésus-Christ. Je commande à tout esprit de sortir d'elle au nom de Jésus-Christ. Libérez-la au nom de Jésus-Christ. Je commande la libérer au nom de Jésus-Christ. Je commande à tout esprit de sortir d'elle au nom de Jésus-Christ. Je commande à tout esprit. Sors! Sors de son ventre! Sors de son ventre! Sors de son ventre! Sors de son ventre! Sors toi, toi, sors de son ventre! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors-moi tous tes poisons! Sors tout, tout! Vomis-moi tout! Tout! Tout! Il dit vomis-moi tout ce que tu as mis dans son ventre! Allez! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Non, de Jésus-Christ Nazareth! Bouge pas, d'accord? Bouge pas. Regarde, regarde, t'as pas bien ici. Regarde, voilà, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sors! Non, de Jésus-Christ. Toute puissance! Toute puissance! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Il ne sait pas ce que vous faites au sol là-bas. Levez-vous de la chaise, vous levez la chaise. Levez-vous de la chaise, vous levez la chaise. Levez-vous là. Non, non, non, pas vous, pas vous, asseyez-vous, vous n'avez pas de problème ici. C'est là-bas. Nom de Jésus-Christ de Nazareth! En fait, attendez ça ici, ne faites pas le pire par rapport à celle-là. Nom de Jésus-Christ de Nazareth! Nom de Jésus-Christ de Nazareth! Je commande à tout esprit de sortir d'elle. Toute puissance, vous allez servir le Seigneur comme il se doit. Je commande. Sors! Sors de cette jeune fille. Sors de cette jeune fille. Sortir d'elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande. Comment, comment, comment? Dans la main. Sors! Sors! Sors! Il faut que tu vomisses. Sors! Je vous commande à tout esprit. Ton esprit, sors de son système. Je vous commande. Sors! Je commande à tout esprit de sortir d'elle au nom de Jésus-Christ. Je vous commande. Celle-ci doit vomir, elle vomit. De sortir d'elle au nom de Jésus-Christ. Je vous commande à tout esprit de sortir d'elle au nom de Jésus-Christ. Je vous commande à tout esprit de sortir d'elle au nom de Jésus-Christ. Je vous commande à tout esprit de sortir d'elle au nom de Jésus-Christ. Je vous commande à tout esprit de sortir d'elle. Au nom de Jésus-Christ. Sors! Vomis-moi tout, tout ce que tu as mis dans son corps, tout ce que tu as mis dans son ventre, tout! Tout poison! Tape-moi, c'est là-bas, tape, c'est là, tape, tape, tape, tape, tape, tape, tape, tape, nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Je commande à tout esprit. Fais attention, mesdames. Fais attention, fais attention, fais attention. Fais attention. Sors-moi ça. Allez, allez, allez, allez, vomis ça. Vomis ça, vomis tout, tout, tout. Fais attention qu'il ne vomit pas sur le pied. Vomis-moi tout ça, tout ça. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Ça, ce n'est pas encore sorti. Ça, vous parlez de ça. On va se le séparer à l'homme dedans, vraiment. Sors! Au nom de Jésus-Christ Nazareth! Au nom de Jésus-Christ Nazareth! Doit esprit impur. Doit esprit impur. Doit esprit impur. Doit esprit impur. Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Je commande. Reste qu'on te dit merci au Seigneur seulement. Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus de Nazareth! Quitte cette femme maintenant, quitte cette femme! Au nom de Jésus de Nazareth! Frère Olivier, lâche pas, c'est pas terminé. Tu es fatigué. Au nom de Jésus de Nazareth! Commande, toute puissance, tout ce qui est dans, qui t'attachait, au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui t'attachait, dans le monde des ténèbres, commandez, au nom de Jésus Christ de Nazareth. Madame, tiens-toi là-bas, tiens-toi là-bas. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Commandez. Toute puissance. Commande. Non, de Jésus de Nazareth, toute puissance qui régnait dans vos vies, dans vos corps. Non, de Jésus de Nazareth, que ça vous lâche maintenant. Que ça vous lâche maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance et toute sémence venant de l'ennemi qui concernait votre vie. Au nom de Jésus de Nazareth, que ça vous lâche. Nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi. Nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance, toute sémence, toi, abonne-moi tout ça. Sors de son système. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Nom de Jésus de Nazareth. Commandez, commandez toute puissance. Je commande. Je commande. Je commande. Nom de Jésus de Nazareth. Maintenant. Vous soyez libre maintenant. Je commande, je commande, je commande. Sors. Nom de Jésus de Nazareth. Commande. Libérez maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Je commande à tout esprit de sortir d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Je commande à tout esprit de sortir d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Je commande à tout esprit de sortir d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi, tu sens des ténèbres, je te déconnecte d'elle. Tu ne la manipuleras plus. Allez, c'est terminé. Terminé. Maintenant, lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lève-toi, mademoiselle. Lève-toi, lève-toi. Tu es libre. Doucement, doucement vers elle. Toute puissance. Toute puissance qui vous maintenez captive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette physique, elle ne va pas. Après, ça dit qu'elle ne va pas. Elle ne va pas aller. C'est qu'elle a là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes fatigué, vous voulez manger, vous voulez prier. J'ai dit toute puissance qui vous connecte à elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commandez. Commandez, que ça vous lâche. Commandez. Commande. Vous allez servir Dieu comme Dieu veut. Je commande à tout esprit de la libérer. Au nom de Jésus de Nazareth. Je commande à tout esprit. Je sortis d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Je commande à tout esprit. Je sortis d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Je commande à tout esprit. Je sortis d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Je commande à tout esprit. Je commande à tout esprit de sortir d'elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à tout esprit de sortir d'elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à tout esprit de sortir d'elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à tout esprit de sortir d'elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à tout esprit de sortir d'elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à tout esprit de sortir d'elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à tout esprit de sortir d'elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à tout esprit de sortir d'elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Au nom de Jésus de Nazareth. Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Maintenant, quitte-la, quitte-la. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Nom de Jésus de Nazareth. Sors. Tu vas quitter cette femme maintenant. Tu quittes cette femme maintenant, tu la quittes. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors! Sors! Sors! Toute puissance, vous entendez ma voix, vous entendez cette voix, toute puissance qui vous connecte avec le monde des ténèbres, au nom de Jésus de Nazareth, je les déconnecte de votre vie. Toute puissance! Toute puissance, vous m'entendez, vous m'entendez, vous m'entendez, vous m'entendez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande qu'il soit déconnecté de votre vie maintenant. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte-la maintenant. Quitte-la. Quitte-la. Quitte cette femme. Allez, allez, allez, allez. Toi, esprit de ténèbres. Toi, esprit de ténèbres. Toi, esprit de ténèbres. Toi, esprit de ténèbres. Toi, esprit de ténèbres. Lâche-la. Maintiens. Ils sont partis. Lève-la, lève-la, lève-la, tiens debout. Tu la maintiens, d'accord? Tu la maintiens doucement, doucement, doucement, frère. Là, maintiens-la, maintiens-la, là, maintiens-la. Maintiens-la. Voilà. Maintiens-la, maintiens-la doucement, doucement, doucement, doucement, doucement, doucement, doucement. Non, Jésus de Nazareth! Voilà, maintenez comme ça. Non, Jésus de Nazareth! Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Mais là, suivez le pied là, suivez le pied là. C'est là-bas qu'il y a beau. Frère, reviens. Viens, laisse tête là, laisse là. Arrête le pied droit là. Le pied droit là. Arrête, arrête, arrête. Au niveau du poignet. Au niveau du poignet. Au niveau du poignet. Le poignet. Oui, voilà. Voilà, cheville là. Monte maintenant, monte. Monte. Monte. C'est pas possible, toi. Monte ta main, déplace ta main. C'est pas possible. Suivez-la doucement. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Quelque chose qui est rentré dans mon pied. Qui es-tu? C'est comme courant. C'est le courant, hein? Qui es-tu? Lâche, lâche maintenant son pied. Lâche son pied. Et c'est le courant qui l'a frappé. Sors! Allez! Sors! Sors! Mets la main sur sa cuisse là. Dépose-moi la main là-bas. Sors! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Sors! Là, c'est le courant qui t'arrête dans tes pieds, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est le courant, on enlève le courant là. On enlève le courant. On enlève le courant, n'est-ce pas? Bon, enlevez le courant dans ses pieds. Hein. Le courant que vous avez mis dans ses pieds, enlevez ça vite. Bon, on laisse passer seulement un petit courant encore, d'accord? D'accord? Maintenant, reçois donc. Ça va là, c'est quoi, hein? Donc, fais attention. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Qui es-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux à cette jeune fille? Tu as détruit sa vie. N'est-ce pas? Qui es-tu? Ne serrez pas sa main. Qui es-tu? C'est votre soeur ici. D'accord? Celle-ci, c'est votre soeur. Et toi, laisse ta main là. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Tu n'habiteras plus là-bas. C'est parce que vous cherchez de me dans le ventre de femme là-bas. Lâchez-la. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Vous avez arrêté de crier, non? Donc je crois que ceux qui sont assis là, leur problème, ça, c'est bien réglé maintenant. C'est bon. Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nazareth. toute puissance qui vous connecte avec le monde des ténèbres, vous allez servir le Seigneur comme il veut. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Laisse-la là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance qui vous connectait au monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que ça vous lâche maintenant. Laisse-le. Qui vous connectait avec le monde des ténèbres au nom de Jésus de Nazareth, que ça vous lâche. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nazareth, toute puissance qui vous connecte au monde des ténèbres, je commande qu'elle vous quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Madame, regarde-moi. Il y a une langue que tu, quand tu pries, quand tu es seul, tu pries avec. C'est pas facile, n'est-ce pas? Courage. Maintenant, regarde-moi. Il y a une langue quand tu pries avec. Quand tu pries seul, tu pries, ça vient. Ça sort, ça vient d'où? Qui est à l'intérieur de parler? Quand je prie, Jésus, bois ton sang, bois ton sang, bois ton sang. Tu bois le sang. Tu bois le sang de Jésus. Oui. Tu bois, après, ça commence à... Ça chante, quand ça chante. Bon, maintenant, tu mets la main sur ton ventre. Mets ta main droite sur ton ventre. Dis-toi. Tu dis toi qui me pousse à parler cette langue. Je te commande de me lâcher maintenant. Continue. Parle-lui. Voilà votre parler en langue. Vous êtes fatigué? À se voir. Et non. Vous êtes fatigué? Dites la vérité. Vous êtes fatigué? Je n'ai pas fini avec ça ici. Mets la main droite sur ton ventre, madame. Tu veux te lever? Tu es bien là où tu te trouves, n'est-ce pas? Donne-moi ta main gauche ici. Ta main gauche. Allons-y, commande maintenant, commande. Tu bois ton sang? Non, tu ne bois pas le sang. Tu bois mon sang comment? dès que tout ce qui est en moi qui n'est pas de Dieu, je commande que tu sortes maintenant. Tout ce qui est en moi n'est pas de Dieu, je commande que tu sortes. Continue, continue. Commande, commande, commande. Tu veux pas qu'il sorte? Tu veux qu'il sorte, n'est-ce pas? Commande qu'il sorte, qu'il sorte. Commande qu'il sorte. Il ne peut rien te faire. Commande, commande, commande, commande. Sors! Sors! Sors! Commande qu'il sorte. Commande qu'il sorte. Vous voyez ces choses-ci, comme ça. Dans la prière, Dieu. Je ne sais pas où on vous a appris ces choses-là, que boit le sang de Jésus, boit le sang de Jésus. C'est pas lui que vous boyez. Et il n'a pas donné un sang comme ça que vous boyez ça. Hein? Il boit le sang de Jésus, boit le sang de Jésus, vous boyez quoi? Regardez ce que ça amène là maintenant. Qu'est-ce que le sang de Jésus, qu'est-ce qu'elle boit? Il y a un verset qui dit qu'on boit le sang de Jésus. Maintenant, quand elle dit ces choses-ci, ça commence à l'intérieur d'elle, ça commence à monter. Et puis, dans son esprit, c'est qu'elle va croire qu'elle a reçu le Saint-Esprit. Donc, vous faites une fausse prière, vous appelez un faux esprit. Parce que Dieu ne nous a pas commandé de boire le sang, vous n'êtes pas des cannibales. Il y a pas, on ne boit pas le sang du Seigneur Jésus. Vous n'en avez même pas. D'autres, c'est le feu qui boit. Quand il ne boit pas le feu, il crache plutôt le feu. Que feu à gauche, feu à droite, feu à droite, feu à gauche. Oh, et bien maintenant, regardez, observez ce qui s'est arrivé. Quand elle était ici, elle dit, il y a quelque chose dans ton ventre. Elle est allée s'asseoir là-bas tranquille. Non, non, va avec lui. Il pleut. Quand il pleut, c'est pas le sang qui coule. Va là-bas loin, là, il pleut. Sa maman, là, un jour, on va la porter, on va la jeter en forêt. Et là, il fait, ouais. Donc, lorsque vous n'êtes pas libre de ce genre d'esprit, elle va prier là au milieu de vous, prier, elle fait, eh bien, je sais pas, et quoi que ce soit, le Saint-Esprit qui ne l'est pas allé. Il y a une femme qui était ici, elle est où, là, celle qui est en jaune. Faites-la venir. Elle met la même cet esprit aussi sur elle. La femme jaune qui était ici. Oui. Faites venir la maman là. Vous autres, asseyez-vous. Asseyez-vous comme les autres, d'accord? Asseyez-vous complet. Laisse ton bras, mets aussi le bras. Là, ton bras. Si tu as ce moment, elle en prie pour celle-ci, elle a seulement peur. Elle dit qu'il ne veut pas que ce qui arrive aux autres là m'arrive. N'aie pas peur, d'accord? D'accord, ma chère? N'aie pas peur. Est-ce qu'on fait du mal à quelqu'un ici? Pourquoi tu as peur alors? Mets la main sur le ventre. Madame, ça va? Oui, ça va. Bien, bien. Bien. Tu as passé au coup de fil déjà, ou bien? Ok, lève-toi, je te parle. Il y a une langue que tu parles quand tu parles en prière, c'est quoi? La langue que je parle. Oui. Ou mieux, comment c'est venu? À quel moment ça c'est venu? À quel moment c'est venu? Oui. Je t'en ai prié puis c'est venu. Seul comme ça? Oui. Tu ne t'es pas posé de questions? Non. Tu penses que c'est qui parle? Moi je pense que c'est qui? Tu penses que c'est qui? Ou mieux, tu penses que c'est quoi de au juste? Forcément, je trouve que c'est la langue. La langue, c'est une langue. Tu as d'abord assisté à un lieu. Puis quand tu priais, c'est venu. Non. J'étais à une délivrance comme ça. Ils ont prié pour moi, puis c'est venu. On vous a délivré? Oui, une délivrance comme ça, il y a longtemps. Hein. Oui. Non, je ne t'attends pas d'aujourd'hui. Mm-hmm. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas prié seul, c'est venu. Tu as prié, tu as assisté à un lieu d'abord. Oui. Voilà. Tu tu te poses la question, pourquoi tu as l'énergie, tu ne sais pas que ta vie spirituelle est en danger, toi, tu ne sais pas. Hmm? Vous voyez, c'est la même chose là-bas. Si vous interrogez cette jeune fille, c'est que qu'est-ce qu'elle est en train de parler, elle va dire c'est le parler en langue qu'elle est parlé. Vous devez vérifier n'importe quoi, c'est selon les écritures. Quand vous faites, ce que vous faites là, c'est selon les écritures. Asseyez-vous, madame, asseyez-vous. Ouais, ça. Donc, quand c'est venu là, tu penses que c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et là, tu as vérifié dans la Bible que c'est ça. C'est que tu parles. Tu n'as pas vérifié. Il faut le faire. Vous devez le faire. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Non, c'était pas n'importe quelle prière. Même ici, là, vous voyez n'importe quoi penser que c'est parce qu'on a mis de prier, parce que les esprits se manifestent, c'est nécessairement le même esprit. Vous devez vérifier à la lumière de la parole de Dieu. Lève-toi. Aide la scène de prière. Voilà ton robot blanche qui est devenu marron maintenant. Non. Qui t'a appris penser? Qui t'a appris à boire le sang alors? Comment tu sais comment on va? Ça vient comme ça là, tu bois le sang. Bon maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre alors? Donc on laisse comme ça, n'est-ce pas? On laisse comme ça. On laisse comme ça. Tout est parti. Tout est parti. C'est parti où? Je sais pas. Ouais, tout est parti. Donc... Je viens, monsieur. Monsieur qui est habillé en blanc, il fait quoi? Il est habillé en blanc, il peut venir mettre un mur de ma tête. Tu as senti le feu et le courant est passé dans toi. Uh-huh. Mais il te voulait quoi alors? Mais quand il a fait ça, il est parti où? Il est allé chez qui maintenant? Il est parti. À chaque fois, là, quand il est là, il veut prier, il voit. Moi, il est venu et puis il a mis sa main dans ma tête. Dieu de m'abaisser. Mais il ne peut pas m'abaisser. Quand il a commencé à prier pour moi, et puis, bien qu'il prie, et puis il m'a pris là. Ça fait comme ce courant qui est rentré dans moi. Bon, ne bois plus le sang, d'accord? Non. Ne bois plus le sang. Mets donc ta main droite sur ton ventre là. Dis tout ce qui est à moi. Qui n'est pas du Seigneur Jésus. Je commande. Je commande. Que vous vous séparez de moi maintenant. Vous séparez de moi maintenant. Continuez. Je suis chaud. Pour prier sur mon pied. Et plus sur ton pied, c'est moi qui ai envoyé le courant là-bas. C'est moi qui ai envoyé le courant là-bas. C'est pas l'homme en blanc là. C'est l'homme en blanc qui a envoyé le courant là. C'est moi qui ai envoyé le courant là. Pour prier pour moi. Le sang là-bas, non? Sinon, le sang est fini. Tu as tout bu le sang, c'est fini, non? On va pas le sang là-bas. Voilà, je tente de parler à celui-ci. Il disait, qu'est-ce que les jeunes hommes font en bordure de la mer? Toi, c'est toi qui parles. Qu'est-ce qu'un groupe de garçons font en bordure de la mer? Qu'est-ce qu'ils partent faire en bordure de la mer? Bon, les innovateurs, parce qu'on a l'habitude d'aller en bordure de la mer. Oui. Et quand on va en bordure de la mer, c'est juste pour se laver. Oui. Et après, les 17, on rentre. Il y a les gens qui ont joué dans la mer. Ils ont parlé comme s'ils blaguaient avec l'esprit des eaux. Mm-hmm. Cet esprit est collé avec lui maintenant. Il leur faut la délivrance. C'est pour ça que je parlais. Vous allez dans la mer, vous commencez à bavarder, ou quoi que vous bavardez, c'est à l'air libre. Quand je parle, je reste, je vais. C'est pour laisser le temps pour que tu te remémores. C'est pour ça que quand je parle, je ne t'ai pas oublié. Je parle, je reste tranquille parce que c'est que ça va te réveiller. Ce sont les choses que vous ne vous souveniez même pas. Ce qui va caractériser après cette sortie de l'eau, si là maintenant, c'est l'esprit de fornication, d'impudicité. Ça va être caractéristique maintenant. Tu comprends ce que je viens de dire? Ce que vous ne voyez pas avec vos yeux, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel. Quand vous êtes à côté de l'eau en train de faire n'importe quoi que vous faites, les esprits sont tout autour de vous. Et quelqu'un s'amuse à dire qu'il veut se marier avec Mamie Ouattara, il va faire ces choses-là. Et puis, c'est à vous. J'ai posé la question à ton frère la dernière fois. Il m'a dit qu'il n'est même pas avec moi. Si tu poses la même question, tu vas me dire. Quelle question? La question qu'il est posée. Il dit qui est mort dans les eaux là, là comme ça. Personne n'est mort dans les eaux. Vraiment. Qui habite dans les eaux? C'est l'un des eaux qui habite dans les jours. Et ils attirent l'un des eaux qui habite dans les jours. C'est elle qui habite là-bas. Tu la connais même. Tu l'as jamais vue. Non. Maintenant, on peut continuer la deuxième phase. Vous êtes prêts qu'on continue la deuxième phase de la prière? Amen. On dit amen, mot comme ça. Vous êtes prêts qu'on continue la deuxième phase de la prière? Amen. Vraiment? Amen. Toute puissance. Il n'y a pas de toute puissance qui vous tient en captivité. Que cette puissance-là vous lâche, n'est-ce pas? Amen. Donc, quand vous êtes libre, vous ne savez même pas que vous êtes libre. Hein, frère, mes soeurs? Quand vous êtes libre, vous savez que vous êtes libre. Toujours amen. Oui, ouais, c'est amen. On prie, amen. Vous êtes libre, amen. On prie encore, amen. On chasse les puissances, amen. Vous êtes libre, amen. C'est terrible. Donc tu pars, vous allez amen maintenant. Ne blaguez pas, d'accord? Ne blaguez pas. Mais quand je te prenais pour poser la question, tu comprenais. Hein? Comment tu as fait donc pour te rappeler alors? Non, parce que plusieurs fois on allait en mer. Mais il y a un jour où on était de ce côté et il y a des gens qui ont commencé à parler de la sirène des eaux avec la mer. Oui. Ils sont sortis en vague comme ça, ils vous ont envoyé là-bas. Oui, oui. C'est toi. Qu'est-ce qu'on fait? Baissons la tête, donc prions. Prions. Pour beaucoup d'entre vous, ce que vous avez observé, ce que vous baillez, beaucoup d'entre vous, vous avez vu comment, c'est pas nécessairement, écoutez, élevez la bouteille, je vous explique quelque chose. Ce n'est pas nécessairement que lorsqu'on a prié pour vous, et vous n'avez pas fait le bruit comme si on fait le bruit vomi là. Non, non, non, c'est pas comme ça. Ce n'est écrit nulle part que la délivrance, les gens vont faire le bruit et vomir. Il y a des esprits qui partent en agitant. Des esprits qui partent tranquillement. Comme pour certains qui baillaient ici, là. Vous baillez seulement, c'est eux qui sortaient. D'autres ont pété. Ils n'ont pas voulu parler. Vous pétez, poum, je fuis. Je viens de l'autre côté là-bas devant. C'est eux qui sortent. Pour d'autres encore, c'est la nuit que vous avez expérimenté. À la maison, vous allez expérimenter. Vous allez expérimenter comment les choses vont sortir. D'autres, ce n'est pas les urines. D'autres, ce n'est pas les choses. D'accord? Baissons la tête, prions. Donc, ça va là, d'accord? Tu crois vraiment ou tu bouges seulement la tête? Je crois. Tu crois maintenant que ça va? Oui. Que Dieu te bénisse. Amen. Mmh. Baissons la tête, prions, prions, prions. Père, nous te sommes reconnaissants pour ces moments merveilleux que tu donnes à ton peuple. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu as brisé toute chaîne de l'ennemi dans sa vie. Merci Seigneur parce que tu as coupé les liens, Père, qui les tenaient à la servitude. Merci Seigneur parce que tu as coupé, oh Dieu, tout cordon et toute chaîne de l'ennemi dans leur famille. Tout ce qui les empêchait, Père de gloire, de marcher comme tu veux. Je te remercie Seigneur parce que tu l'as fait pour eux. Je prie au Dieu de gloire que la sémence de la parole, l'amour de la parole, de ta parole soit dans leur cœur. Que ce soit vivant, Père de gloire, qui ne se sépare point de toi. Je prie Dieu que tu le conduises toi-même dans la vérité par ton esprit. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Garde le Père de gloire afin qu'il ne regarde plus derrière mais qu'il marche au devant de toi, avec toi devant nous conduisant. Je te le recommande entre tes mains. Veille sur leurs pensées, veille sur leur âme, sur leur marche, Père de gloire, qui ne trébuche plus ni à gauche, ni à droite, mais qui marche avec la glorieuse présence du Saint-Esprit. Que ton nom se soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Salvez-vous les uns les autres. Comment tu te sens maintenant, ma soeur? Tu as raclé quelqu'un ici parce que l'ancien qui était sur toi, moi, ça a pris celui-là. Bah c'est la sœur qui a décidé de taper toute l'assemblée ici là. Oui, ton mari meuf. Ça va? Ça va, mon chéri? Courage, d'accord? Courage, d'accord? Ah, mais vous allez manger ici, non? Il y a la nourriture. Il y a la bouche. T'as mis ta journée, non? C'était dur, non? C'était dur. C'était pas parce que tes yeux te tournaient comme ça. C'était, le jeune était comment? Ça vous a menacé, le jeune vous a menacé. Quand vous, votre jeune, ça fait comment? Tu commences à dire non, c'est fort. Ne t'inquiète pas, d'accord?